vous êtes assez fou. Pour l'écouter. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Le plan cette semaine à Assemblage Requis, c'est la méga vente sur plus d'inventaire. L'Assemblage Requis, tout doit partir. On a des gadgets inutiles dans 5 personnes ne répondent là, des conseils dans les instructions d'assemblage et du fast-food dans une grosse pointe en dresse. Assemblage Requis commence tout de suite. Assemblage Requis, pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis pour la semaine du 24 juillet 2017. Je m'appelle Mathieu Plante. Malheureusement, Tania Beaudin est en reportage. Elle est en sous-assignation pour l'émission d'aujourd'hui. On va la retrouver la semaine prochaine. Espérons-le. Tania, on te salue. Hein, elle est tellement occupée, cette fille-là, cet été. Donc aujourd'hui, l'émission, ça veut dire qu'on va faire une émission avec juste moi et plein de chroniques maison seulement. Donc on va faire du sexe, ça ne devrait pas là. Ça, c'est la chronique où on achète des gadgets inutiles sur Internet. On va faire quasiment une heure de ça. Même chose pour les instructions d'assemblage où on se donne des conseils pour mieux vivre et on essaie de les suivre. Et enfin, une émission, comme toujours, une grosse pointe en dresse. On goûtera à rien aujourd'hui parce que je suis seul et ça me tente pas de manger tout seul, mais on va quand même parler de nouvelles de fast-food et on va se vider un peu l'inventaire de sujets que j'ai accumulés depuis les derniers mois et qu'on n'a jamais le temps de faire parce qu'on a tellement de contenu intéressant. Donc tout ça dans l'émission d'aujourd'hui. On a 3 heures ensemble. Amusons-nous, hein, même si on est seul. Moi, j'ai l'impression que vous êtes avec moi. Hein? C'est le fun, ça. On va commencer avec Sexis dans quelques instants, mais avant ça, on va entendre une pièce qui est très de circonstance pour cette saison estivale. Ben, ça s'appelle pas mal juste saison estivale. Là, c'est plate de même. Voici Dilarama tout de suite à Assemblage Requis sur Cifou. Joins-moi à la fin de la soirée. Embrasse-moi sur la banquette du taxi. Je ne suis même pas fatigué. Mais on était high, tout seul dans le noir. High, je fumais avec toi. Tous nos promenades, saison estivale. Rejoins-moi à la fin de la soirée. Et tombe dans mon cœur comme tombe la pluie. Je m'ennuie, c'est chez moi. Mais on était high, Dilarama et saison estivale à Assemblage Requis. Oui, ça parle de pluie, ça parle de soleil, ça parle de plein de choses en même temps. Ça ressemble à notre été ici au Québec, hein? Donc, on est en direct des studios de C'est fou en ce 27 juillet. Plus tard, restez avec nous parce qu'il est supposé avoir du baseball, même s'il y a de la pluie aujourd'hui, on va voir, on va voir. Mais avant ça, c'est le moment de passer à Ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a, la chronique où on achète des choses sur Internet et qu'on le regrette instantanément. Et on commence aujourd'hui un bloc thématique. En fait, dans cette première chronique, on va faire un bloc thématique sur les animaux de compagnie. On profite de l'absence de Tania, qui aime pas les chats, qui a un chien, mais qui en parle jamais, donc on n'a pas l'aimer. Hein? On commence avec Calms par Petmate. C'est une façon sans médicaments de réduire les niveaux de stress de votre chien. Si vous promenez des fois en voiture avec votre chien et qu'il commence à japper tout le temps, tiens, il y en a qui donnent des petites pilules pour calmer le chien, ben vous pourriez lui acheter cette veste-là, Calms, hein? Quand ils ont peur, sinon, je sais pas, des éclairs, des feux d'artifice, peu importe, on a besoin de les calmer. Donc, ça s'appelle Calms, une veste ajustable qui est faite spécifiquement pour les chiens, et ça les tient sur des points apparemment d'acupression sur le corps de votre chien, en fait, sur la colonne vertébrale du chien. Donc, une solution pour l'anxiété canine, la peur, le stress. Il y a de la musique aussi classique qui joue dans cette affaire-là. Donc, ça joue un mélange de tons calmants et de musique classique, en plus de faire de la vibration. Hein? Donc, c'est utilisé pour initier un programme pour calmer qui peut durer jusqu'à 8 heures. Donc, c'est l'appareil parfait pour peut-être aller chez le vétérinaire. Ou sinon, pendant la nuit, si vous essayez de dormir, ça fonctionne. Calms, C-A-L-M-Z, avec 3 batteries, 3 piles, 3A, qui ne sont pas incluses. C'est disponible en différentes grandeurs pour différentes grandeurs de chiens. XXL, XL, petit, moyen, peu importe. On peut acheter un Calms pour 130$ US sur calmz.com pour plus d'informations. Ensuite, une autre veste pour protéger votre chien, mais cette fois-ci des attaques. Pour que votre chien ressemble un petit peu à un porc épic et que vous promeniez votre pitbull, votre rottweiler ou peu importe, vous pensez que votre chien peut s'occuper de lui-même et attaquer quelqu'un d'autre, mais pas toujours, pas toujours. Surtout si c'est un petit chien là, sans défense. Donc les créateurs de la Coyote Vest ont pensé à ça, bien sûr. On crée donc une veste qui peut être portée par les chiens qui pèsent jusqu'à 20 livres. Le cou est rempli de petits pics d'un pouce. Il y en a 12 petits pics qui sont intégrés à l'intérieur de cette veste-là. Et le col est fait en Kevlar laminé. Le reste, en tant que tel, est protégé avec ce qu'on appelle un body armor, un genre d'armure en Kevlar aussi, qui résiste aux dents des chiens. Il y a aussi, on peut rajouter des espèces de petites décorations sur le dos du chien qui ont l'air assez impressionnantes. Donc le Coyote Zapper est optionnel et ça peut fonctionner comme un taser si votre animal se fait mordre. Donc Coyote Vest, Coyote Taser, 109$ pour le Starter Pack, c'est pas trop cher. C'est cute en plus, une petite veste, bon il est dans différentes couleurs, là, ici je la vois en jaune avec des pics en métal dessus. Il a l'air en plus un petit peu gothique emo là. Tu peux avoir les petits poils qui dépassent sur le côté, sur le dessus. En fait, peuvent être aussi choisis en différentes couleurs. Donc, je les vois ici en bleu et en orange. Allez voir ça. Coyote Vest. Ensuite, pour prendre des photos de votre chien, un pooch selfie, comme on appelle. Des fois, ça peut être difficile parce que votre chien ne sait pas qu'il doit regarder la caméra. Il n'est pas encore rendu là dans son processus intellectuel. Donc, pooch selfie, c'est une petite clip de plastique et spécifiquement fabriquée pour tenir une balle de tennis. Et montez ça sur votre téléphone cellulaire, donc une très bonne idée. Évidemment, les chiens aiment les balles de tennis. Ça vient en fait avec une balle de tennis qui va faire des petits sons quand tu la squeezes. Mais évidemment, on peut se servir de n'importe quelle autre balle de tennis. C'est compatible avec les téléphones iPhone et Samsung dans la plupart des étuis. Un simple outil de photographie utilisé donc avec votre chien. Ça fonctionne pas, dit-on, avec les chats parce que les chats aiment pas se faire prendre en photo, j'imagine. Donc, si vous avez un téléphone cellulaire et un chien, vous voulez prendre des selfies de vos animaux de compagnie, il faut payer 13$ sur poochselfie.com pour plus d'informations. Poochselfie.com, on peut aussi commander ça sur Amazon, entre autres. Alors, on continue toujours dans notre bloc thématique d'animaux, de compagnie. On y va avec une laisse main libre pour rendre la promenade de votre chien plus facile. Hein? C'est un projet Kickstarter pour la laisse Opets, O-P-E-T-S. Donc, c'est qu'est-ce que c'est? C'est une ceinture de néoprène que vous portez autour de votre taille. Et puis, il y a une laisse courte ou longue qui va se connecter à des anneaux sur la ceinture et au col de votre, au collier de votre chien pour pouvoir le promener sans les mains. Ça permet même aux chiens ou jusqu'à trois chiens à la fois de bouger 360 degrés autour de vous sur la ceinture. Et avec les mains libres, vous allez pouvoir transporter votre verre, parler au téléphone, transporter votre épicerie, peu importe, tout ça en promenant votre chien. C'est une campagne Kickstarter qui essaie de ramasser 22 000 $ US pour commander un ensemble d'une ceinture et une laisse pour 40 à 42 $ US. Et puis, c'est pas mal ça. Kickstarter.com, cherchez Opets. Ils ont réussi à ramasser. Attention, le final. Ça me fait toujours rire quand une campagne est annoncée après que j'ai choisi l'article, mais en plus, celle-là a été annulée après 40 $ accumulés sur 22 000 $. Donc, faites comme si j'avais rien dit. Ensuite, on continue dans le domaine des laisses avec une laisse qui est parfaite pour votre chien. Et en fait, c'est une laisse qui va donner l'impression à votre chien de vous promener. Hein? Donc, il va avoir l'impression d'être moins pris dans une laisse parce que sur la laisse, il y a aussi une poignée comme sur votre le côté de la laisse que vous prenez dans votre main. Donc, le chien va pouvoir garder ça dans sa bouche. Ça crée une connexion directe entre votre main et la bouche du canin pour lui donner une impression de liberté pendant les promenades. Et ça coûte 40 $. Je ris encore du fait que l'autre a eu 40 $ justement sur 22 000. C'est incroyable. Ensuite... Ah, les chiens aiment tellement ça. Les chats, premièrement, aiment se déguiser. On sait tous, les chiens adorent ça. Ils portent des petits vêtements de princesse. Ben, les chiens devraient pouvoir en porter aussi. Et maintenant, enfin, on a un léotard pour chien. Génial, ça. Donc, c'est le Shed Defender Dog Leotard. C'est un habit qui respire très bien, qui est fait pour être porté par les animaux de compagnie de courtes intervalles. Surtout lorsque les animaux perdent leur poil, par exemple en voiture, ou sinon lorsqu'il a des allergies, peu importe, qui perd beaucoup de poil, donc le léotard va garder les poils contre le chien. C'est disponible en 7 couleurs, en différentes grandeurs, mini XXL, de mini à XXL, oui. Ça coûte entre 45 et 60 $ US pour votre animal de compagnie. C'est un beau petit léotard, là, la queue passe même dedans. C'est de toute beauté. Ensuite... comment ramasser le caca de votre chien sans utiliser vos mains? Hein? Évitez de salir vos mains avec le caca de votre chien en utilisant ce hands-free poop collector qui s'attache à la queue de votre chien. Pratique, hein? ça pendouille en dessous de sa queue. Et puis, comme ça, ben, l'animal peut faire directement dans le petit sac et c'est facile à ramasser. L'ensemble coûte 50 $ canadiens. Ensuite, tantôt, on a parlé de balles de tennis. Parlons de balles... continuons à parler de balles de tennis. En fait, avec des balles de tennis qui sont pas nécessairement pour chiens, mais je les ai mis dans ce groupe d'animaux de compagnie parce que les chiens aiment tellement ça. C'est des balles de tennis Chanel qui coûtent 450 $. Pourquoi est-ce que Chanel fabrique des balles de tennis? J'en ai aucune idée, mais il faut oublier ça. Hein? Y en a 4 balles, ça vient dans un sac de cuir. Évidemment, pour avoir l'air riche. Hein? Tu peux aussi acheter une raquette de tennis si ça tente Chanel à 1800 $ US pour aller avec tes jolies balles. Mais le chien, ça lui importera pas vraiment la marque. Hein? On continue avec... quand on fait prendre un bain à son chien, des fois, on manque de mains pour tenir le savon, pour tenir la hose, pour tenir le chien, tenir le collier, peu importe. Il y a plein de choses à faire en même temps. On a seulement 2 mains, la plupart. Donc, allons-y avec une mitaine pour réussir à laver votre chien parce que la hose se connecte à votre mitaine. Facile quand même, c'est l'Aquapa, AQUAPAW. Donc c'est par le designer Daniel Lance et ça envoie de l'eau tout tranquillement à travers la mitaine et ça vous permet de contrôler l'intensité du jet en ouvrant ou en fermant votre main. Et non seulement est-ce que ça vous libère une main pour garder l'animal en place, mais aussi ça vous permet de les flatter et les rassurer en même temps que vous les lavez. Ça fit sur toutes les hoses, les embouts de hoses là, de l'Amérique du Nord. Voilà, les hoses de jardin entre autres, les adaptateurs pour la douche pour pouvoir l'utiliser même à l'intérieur. Parfait pour laver votre animal de compagnie. Ensuite, c'est une comment est-ce qu'on appelle ça? Animal Shelter, là, la SPCA, le service de protection des animaux, là, qui a inventé les Kitty Bjorns pour acclimater les chats sauvages à l'interaction avec les humains. Donc, c'est développé par l'Animal Rescue League de Boston pour aider les animaux, les chats sauvages, à interagir avec les humains et socialiser pour pouvoir devenir de gentils animaux de compagnie les plus adoptables le plus rapidement possible. Hein? Ça permet à l'équipe de rester main libre. En fait, c'est comme une poche de kangourou, si on veut, qu'on porte autour de soi et le chat est dedans. Comme ça, tu peux continuer de faire tes affaires, faire du multitasking, répondre au téléphone, parler aux autres clients, peu importe. Le design permet au chat, étant donné qu'il y a un petit genre de screen, un moustique, si on veut, en avant, ça va permettre au chat de recevoir les stimuli de façon sécuritaire tout en restant tout le temps contrôlé et surveillé par la personne qui porte la veste. Donc l'ARL a commencé à porter la veste il y a un moment et le processus pour acclimater les chats est beaucoup plus facile qu'avant. Les chats sont maintenant prêts à l'adoption. On parle de chats sauvages qui étaient de ruelles. Ils sont prêts à être adoptés en dedans de 48 heures. des fois même plus rapide que ça. Vraiment cool comme idée. Donc, une petite veste avec une petite poche avec un screen dessus. Allez voir ça sur assemblagerequis.com. Pour l'instant, on ne peut pas l'acheter dans le commerce. Est-ce que votre chat a chaud en saison estivale? Ça arrive. Donc, les, comment on appelle en anglais, Dog Days of Summer. Ben, c'est pas mal difficile pour les chats aussi. Vous pourrez rendre votre chat plus confortable avec le Cat Cool Pot Bed. Donc, c'est comme un genre de cabaret, un cabaret pour transporter des trucs, là, mais en forme de chat, et c'est fait d'aluminium, donc c'est très, ça conduit le froid, et ça aide à réduire la température du corps du chat pendant les mois d'été. Donc, ils vont aller se coucher là-dessus et être très, très heureux. Et en plus, ben, Colin, tu vas pouvoir le mettre directement au four. Non, c'est pas vrai. Faites pas ça. Ensuite, un système de toilettage pour chat. Hein, débarrassez-vous de votre odeur de litière. C'est tellement plate, ça sent tellement mauvais l'urine de chat. Donc en dedans de 8 semaines, apparemment, votre chat va pouvoir aller sur la toilette faire ses affaires comme un félin raffiné avec cet ensemble qui s'appelle le Cat Toilet Training System. Ça coûte $60 canadiens. Donc ça apprend à votre chat à faire ses besoins sur la toilette familiale. Ensuite, une autre affaire que les chats peuvent faire comme les humains, c'est du yoga. Hein? Donc sauvez vos meubles et votre plancher de votre chat en l'installant sur ce tapis de yoga. Donc c'est disponible en plusieurs couleurs et ça donne l'endroit idéal pour votre chat pour pouvoir se gratter dessus avec ses griffes sans gâcher vos meubles. Donc c'est l'apparence d'un tapis de yoga. Si votre chat veut faire du yoga, s'il est capable d'apprendre ça, s'il devrait faire des émissions de yoga à TV, mais pour les chats, c'est parfait. Il va pouvoir faire tout ça en même temps sur son petit tapis Feline Yoga Mats. Ensuite, si vous voulez pas que votre chat s'en aille de son tapis, peut-être que vous voulez vraiment le forcer à apprendre le yoga, c'est simple, c'est un collier avec une ventouse qu'on attache sur le plancher ou peu importe, et votre chat va être pris là s'il est pas capable de tirer sur la suction assez fort. Vous pourriez l'attacher dans le bain, par exemple, pour lui faire prendre son bain. Je sais pas la résistance que ça peut avoir une ventouse pour un chat, mais bon, ça vaut la peine de l'essayer. Ensuite, et vous pouvez maintenant acheter, tantôt on a acheté un léotard pour votre chien ou votre chat. Maintenant, vous pouvez aussi lui faire porter une perruque. Génial, n'est-ce pas? Donc, c'est l'actrice Leisha Haley qu'on connaît de la série The L Word. Maintenant, n'importe qui peut avoir un compagnon bien coiffé. Sa compagnie s'appelle Pet Wigs, crée donc des perruques adorables et à la mode pour les chats dans votre vie. Elle a dit à Mental Floss dans un courriel qu'elle a eu l'idée il y a 12 ans. Les costumes pour chats étaient partout sur le marché, mais il n'y avait pas de... Enfin, il y avait des perruques, mais les perruques n'étaient pas aussi convaincantes que les habits. Donc, il n'y avait pas de belles perruques pour elle. Ensuite, elle a rencontré Melissa Carbone de chez 1031 Productions et la paire a lancé Pet Wigs. Et ensuite, on a amené les collaborateurs Regina Carpinelli et Sofu Snow. On dirait vraiment un nom de chat, Sofu Snow. Je me demande si c'est pas le chat de Regina Carpinelli. Bref, des perruques pour chats. Magnifique. Ensuite, pour identifier votre chat, Emergency Pet Key Tags. Donc vous pourriez lui installer ça sur son collier pour dire par exemple mes animaux sont seuls à la maison, voyez la carte que dans le portefeuille pour un contact d'urgence. Donc dans le fond c'est pas une étiquette que tu laisses sur le collier de ton chat, je m'excuse d'avoir dit ça tantôt, c'est plutôt toi qui le portes sur ton sac ou peu importe, et dessus ça dit que tes animaux de compagnie sont seuls à la maison, donc allez voir dans le portefeuille pour trouver le contact d'urgence pour aller s'occuper de vos animaux. Donc c'est un peu le contraire de ce qu'on aurait pensé, l'étiquette est pour l'humain en tant que tel, donc ça permet aux personnes qui vont retrouver votre sac, si vous êtes mort peut-être, d'aller retrouver vos animaux. Ensuite, lorsque votre animal finit par mourir, ce serait bien d'avoir une urne avec les cendres de votre animal, mais ici une urne biodégradable. Hein? Donc votre animal de compagnie va pouvoir vivre de nouveau, vivre éternellement presque en utilisant cette urne biodégradable. Donc tu vas être capable de te souvenir de lui en regardant un arbre majestueux qui va pousser. Donc c'est une urne, tu mets les cendres dedans et l'arbre va pousser par la suite. Et ça va faire comme un arbre avec des cendres de votre chien ou votre animal de compagnie. $200 canadiens pour l'ensemble, ça s'appelle Bios. Ensuite, on passe un petit peu à autre chose, pas nécessairement des animaux de compagnie, mais des animaux en général. On amène des bijoux qui sont faits pour éliminer les insectes, pour les éloigner avec des billes de citronnelle. Hein? Donc ceux qui ont tendance à se faire piquer souvent vont se mettre du spray, vont se mettre peu importe des produits sur leur corps. Et bien, il y a une compagnie de bijoux basée à Singapour qui offre une alternative un petit peu plus jolie. Donc les designers de chez Buy Invite Only disent que leur nouvelle ligne d'accessoires va garder les insectes au loin avec des billes de citronnelle selon My Modern Pet. La collection You Hun a des bracelets et des colliers faits de pierre qui ont été choisis pour leur association avec la chance dans la culture chinoise. Et attaché à chacun, il y a un pendentif fait pour tenir donc pour contenir des billes de citronnelle de couleur jade. C'est quoi? C'est vert? Je crois que c'est vert. En tout cas, bref, peu importe. La citronnelle est une huile essentielle trouvée souvent dans les produits pour repousser les moustiques, comme des sprays et des chandelles. La sphère est supposée rester utile, efficace pendant une semaine. Et après ça, on peut changer les billes pour d'autres. On les vend pour $3.61 par bille. C'est pas mon genre de bijou du tout. Je trouve pas ça très très beau, mais ça existe, hein. Comme on dit, c'est expressé de répondre là, hein. On reste dans les moustiques. Nos bons amis moustiques avec des bas anti-moustiques. Hein? C'est comme une tente. Comme une tente pour les moustiques, sauf que c'est juste pour vos jambes. Le knee-length mosquito netting sock, c'est fait pour protéger la peau exposée en dessous du genou, hein, pour ceux qui ont ça. 10 sur 10 pour l'apparence, nous disent les critiques. Je trouve vraiment que c'est comme des collants, mais beaucoup trop amples. Donc, t'es supposé porter ça par-dessus tes vêtements et par-dessus tes pieds. Ça protège contre les maladies comme le virus du Nil et le Zika. Et ça va t'empêcher de te faire piquer. Voilà. On dit que même les anti-moustiques normaux doivent être réappliqués après plusieurs heures. Le bas, lui, fonctionne en continu, non toxique, environnementalement correct, sans fragrance, sans rien. Ça va à la machine à laver. C'est en polyester et ça s'étire pour permettre le mouvement si vous êtes à l'extérieur. Ça respire bien aussi pour ne pas emmagasiner la chaleur et vous allez rester au froid, même dans les climats tropicaux, nous dit-on. Ça coûte tout ça $20 US pour ces bas anti-moustiques. On reste dans l'anti-moustique pour une dernière fois. Oui, voilà, avec des vêtements qui repoussent les moustiques. Hein, pour tasser ces bébites-là là, de votre corps, ça va à la machine à laver encore une fois. Et puis c'est traité avec un anti-moustique, une technologie anti-moustique qui protège contre les insectes, les tiques, les fourmis et toute autre chose néfaste pour vous. Ça coûte $44 canadiens au minimum. Donc c'est des vêtements Insect Shield avec protection anti-insectes intégrée, Built-in Insect Protection. Et pour terminer le bloc, étant donné que les enfants sont pas mal comme des animaux de compagnie, j'ai 3 gadgets pour les enfants, hein, dans mon petit bloc. C'est drôle quand même. Le Muff Band, c'est un bracelet pour les enfants et les adultes qui ne veulent pas grandir. Donc, pour quand on était enfant, dans le temps, on n'avait pas de téléphone cellulaire, de tablette, de console, de jeux vidéo, d'internet pour nous divertir. On avait utilisé l'imagination. Plein de choses qu'on pouvait utiliser pour jouer le rôle de d'autres choses, que ce soit des branches qui servaient comme épée ou des boîtes de carton qui venaient des forts. Donc, ici, c'est un petit peu l'idée derrière le Muff Band. C'est un projet Kickstarter qui, celui-là, a marché. Ça vient de l'an dernier. C'est un bracelet qu'on accouple avec un appareil iOS pour changer certains gestes dans le fond, des gestes de main en son. Donc, vous allez pouvoir changer votre balai en guitare électrique, votre brosse à cheveux comment on appelle ça? Voyons, en raquette de ping-pong, je cherchais le mot raquette. Une règle en baguette magique, peu importe. Donc, l'application vous permet de choisir les sons pour aller avec les mouvements. Vous pouvez même utiliser deux Muff Bands avec un seul appareil iOS et les sons vont se synchroniser pour pouvoir jouer à deux personnes. Le Muff Band qui coûte $55 US. Plus d'informations sur muff.mobi, M-O-F-F.mobi ou sinon sur Amazon. Ensuite, toujours chez les enfants, le Baby Pod qui joue de la musique pour votre enfant qui n'est pas né encore et qui, en fait, ce gadget-là, non seulement joue de la musique pour votre enfant qui n'est pas né encore, mais il faut se l'insérer. C'est le Baby Pop, hein? On peut commencer à utiliser ça après 16 semaines de la conception. Et pour s'assurer que votre enfant reçoive le meilleur son possible, le Baby Pod est un haut-parleur qui est inséré dans le vagin. Hein? Haut-parleur fait pour être intégré par là, donc vous allez avoir évidemment un fil qui va pendouiller, très très plaisant, plus facile de l'enlever j'imagine, c'est comme un tampon musical, c'est fait de silicone hypoallergène, ça peut aller jusqu'à 54 décibels qui est environ le niveau sonore d'une conversation pas trop forte pour pas endommager donc l'oreille de votre enfant. Y a pas de batterie, y a pas de pile, pas de Bluetooth, rien là-dedans, donc aucun problème, pas de radiation électromagnétique ou rien du tout. Ça coûte quand même $134 pour un haut-parleur qu'on s'insère. J'imagine qu'il y a d'autres sortes de haut-parleurs qu'on pourrait s'insérer, mais celui-là n'aurait pas de limite de décibels, hein, et sûrement serait pas fait pour ça, donc pas aussi confortable. Mais je l'essaierais pas si j'étais. Et pour terminer, on nourrit ses enfants avec une cuillère courbée. En fait, c'est fait pour que les enfants puissent se nourrir eux-mêmes. D'une certaine façon, ça s'appelle Toddler Self-Feeding Spoon. C'est pour les bambins. Donc, c'est une cuillère d'apprentissage faite pour les petites mains pour encourager à ce que, ben, pour le grip, là, l'agrippement, si on veut. Et c'est courbé pour que la partie appropriée de la cuillère pointe vers leur visage. Donc, une façon d'apprendre à eux-mêmes faire le « voici le petit avion qui s'en vient » ou le petit train. Donc, tu as une place pour placer ton pouce. Tu as la partie qui sert de cuillère et l'autre partie qui va venir en... Ça ressemble un petit peu à une langue, si on peut s'imaginer ça. Donc, la poignée est d'un côté et la cuillère de l'autre côté. Et la cuillère, si tu la penches vers toi, la nourriture va s'emmener directement dans ta bouche. Imaginez une langue. C'est un peu bizarre à décrire, là. Allez voir sur assemblagerequis.com pour l'article Toddler Self-Feeding Curved Spoon. Donc une cuillère courbée pour que Bambin puisse manger lui-même. Voilà pour le premier bloc de 5 semaines, ça devrait pas là. Un petit bloc sur les animaux de compagnie, ce qui comprend les enfants pour moi. Tout à l'heure, on va faire un deuxième bloc. Je sais pas si je vais y aller en alternance ou après l'autre, on verra tantôt. Là. Ça me préoccupe pas bien. Ben. On prend une petite pause et au retour, plus d'assemblage requis. Restez là. Toujours à l'Assemblage requis pour la semaine du 24 juillet 2017. Je m'appelle Mathieu Plante. Tania Baudin va être de retour la semaine prochaine. Avant la pause, tantôt dans la chronique, c'est ça devrait répondre là. J'ai parlé d'un shelter pour animaux. C'est un refuge pour animaux. Mais j'aime mieux dire une maison d'hébergement pour animaux battus. Ça fait plus de classe. T'as l'impression d'être dans une infopub où ils veulent de l'argent par mois. Ça me fait toujours... Ces pubs-là sont tellement déprimantes. Non? Changez pas ça. Bref... dans quelques instants, on va continuer avec un autre sexe, mais ça ne devrait pas là. Mais avant ça, on s'en va entendre Harpoonist and the Axe Murderer. Tant qu'à être vraiment sombre dans nos affaires, là. Voici Forever Fool à Assemblage requis sur C'est Fou. Ou C'est Fou, dépendant. We'll be right back. comme ça tout le long. Assemblage requis. Harpoonist and the Axe Murderer avec Forever Fool dans Assemblage requis avec nos beaux petits oiseaux comme ça qui nous tiennent compagnie pendant toute l'émission. Sauf pendant les chansons, je les trouve très très silencieux pendant les chansons. On continue avec une deuxième partie de Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a! Ils ont sûrement été bien éduqués dans leur refuge pour animaux, ces oiseaux-là. Tu sais, le respect, arrêter de siffler pendant les chansons. Bref, ce gag-là était pas drôle tantôt, faisons-le pas une deuxième fois. Deuxième bloc de Sex Mess, ça devrait pas, on parle de gadgets en général cette fois-ci, juste un bloc régulier et habituel, pas besoin de te préciser. On commence avec des jumelles, mains libres. Toujours le fun de regarder les oiseaux, justement, les oiseaux de notre chanson thème. On pourrait les regarder de très très près avec des jumelles, mais il faudrait avoir les deux mains sur les jumelles, on pourrait rien faire d'autre. Donc, à la place, c'est une paire de lunettes jumelles. Hein? Les wearable binoculars. Donc, on les porte comme des lunettes normales, sauf que les lentilles peuvent être peuvent vous rapprocher des éléments. Donc, c'est une vitre avec un objectif de 15 mm et du plastique. Donc, tu peux y aller jusqu'à 4 fois plus près en focusant avec des petits boutons. Et tu as un champ de vision de 8,2 degrés. Et tu peux aller jusqu'à 1093 verges. Une très bonne façon, donc, de passer au niveau supérieur. 1093 verges en kilomètres, tout le monde le sait, c'est presque un kilomètre. 99.99.94.39.2. J'ai ça dans ma tête, par. Ensuite, la semaine passée, on a parlé de coupe de vin qu'on pouvait insérer dans le sol. Mais cette fois-ci, à la place d'insérer dans le sol, on va juste le laisser sur le sable, par exemple à la plage, pour pouvoir avoir une canette de liqueur, je sais pas, un verre normal. C'est comme une petite table miniature en plastique, et c'est fait pour tenir sur le sable. Ça s'appelle le Great Coaster All Coaster Cup Holder. Voilà. Donc les Great Coasters, qu'on va les appeler. C'est fait pour garder votre verre stable, même sur des surfaces qui ne sont pas, elles, d'habitude, stables. Donc on parle de plage, on parle de gazon, de neige, de tapis, peu importe. C'est parfait pour tenir, comme j'ai dit, bouteilles, verres, collations. Vous pourriez mettre du popcorn dedans, peu importe. Ça vient en emballage de 6 de plusieurs couleurs. C'est fabriqué au bonne vieille États-Unis d'Amérique. Bon vieux États-Unis, ouais, c'est masculin. Hein. Où, bien sûr, on a besoin de tenir son verre tout le temps. Ensuite, pour ceux qui ont de la misère à sortir les dernières gouttes, je vais dire, de pâte à dents de leur tube. C'est moi, mon truc, là. C'est de, bon, évidemment, rouler le tube, puis après ça, prendre ma brosse à dents et y aller contre le comptoir, frotter vraiment pour l'amener au bout. Mais ceux qui trouvent ça vraiment trop basic, là, allez-y avec une genre de... On vous vend presque une boucle de ceinture. Ça ressemble vraiment à une boucle de ceinture. C'est en métal. Ça s'appelle l'Alessi Buckle. Buckle comme une boucle de ceinture. Très minimaliste. C'est fait en zamac garni de chrome par-dessus. Donc, ça se glisse un peu comme une ceinture. En dessous et par en dessous, c'est comme un sac à dos avec une bandoulière. Là. Bref, et tu passes le tube là-dedans, ça peut être de la lotion, ça peut être de la peinture, ça peut être de la pâte alimentaire, peu importe, et vous pouvez aller jusqu'à la fin du tube, une solution très simple pour économiser de l'argent à long terme. Hein? Voilà. Le Alessi Buckle. Ensuite, tiens, on va réutiliser un bon vieux bic, tu sais, un briquet bic, et on va le transformer en multi-outil. Ça s'appelle, donc, c'est un accessoire pour votre everyday carry, là, pour votre sac, votre sacoche, votre man bag, peu importe le truc que vous transportez à chaque jour. Donc, le Lighter Bro, c'est comme un manchon pour votre bic habituel, mais ça ajoute des fonctionnalités. Donc, il y a 4 outils, entre autres une paire de ciseaux avec un spring, un ressort. T'as une lame, un couteau, une lame de rasoir, si on veut. T'as ensuite un tournevis, micro-tournevis, et t'as un truc pour enlever les bouchons d'une bouteille. Donc, c'est fait en acier inoxydable, c'est parfait pour être durable, bien sûr. C'est disponible en plusieurs couleurs, plusieurs styles différents. Le Lighter Bro coûte entre 10 et 20 $ dépendant du style et de la couleur sur Amazon, leur page Lighter Bro. À la place de transporter un canif sur vous, si vous avez déjà votre briquet, même si vous n'êtes pas fumeur, vous pouvez avoir besoin d'un briquet pour d'autres raisons. Donc, en même temps, ça devient un multi-outil. Et ce qui est le fun, c'est que ton outil reste, même si ton briquet change. Hein? Ensuite, ça, je trouve ça vraiment cool. J'aurais aimé pouvoir le partager avec Tania, mais Colin n'est pas là, que voulez-vous. C'est le Pinch Me. En fait, c'est de la pâte thérapeutique avec un parfum de café Pinch Me Therapy Dough. Donc, c'est une pâte qui n'est pas faite pour être passée au four. Vous pouvez la pétrir comme de la pâte. Vous pouvez l'étirer. Vous pouvez la mouler, la pincer, la frapper, la gifler une paire de fesses quand on a besoin. Quand on a besoin de ça pour le stress, pour l'ennui ou pour la concentration. C'est juste une pâte, tout ce qui est le plus traditionnel. Sauf qu'elle sent le café pour un petit peu plus de soulagement. C'est parfait pour vous distraire d'une main en passant votre journée dans l'autre main avec un fidget spinner ou peu importe. Parfait pour relaxer, donc Pinch Me, pâte thérapeutique au café. Ça m'intéresse vraiment. J'aime la pâte à modeler, j'aime la glu, j'aime ces trucs-là. Ensuite, un autre gadget, un autre truc à acheter que je suggérais à Tania et à d'autres pour les gens qui veulent relaxer aussi. Donc, c'est un livre à colorier, mais personnalisé. Tu sais, les livres à colorier pour adultes, sauf que là, c'est vos propres photos. Vous allez pouvoir convertir vos moments préférés en dessins et vous allez pouvoir les colorer plus tard. Chaque livre de 5 pages est fait de papier de haute qualité en utilisant les photos que vous leur envoyez pour pouvoir peut-être prendre des photos noir et blanc et puis les transférer en nuages couleur plus tard. Pour 47,55 canadiens. Hein? Comment ça s'appelle? ColoredMoments.com est leur site web. Évidemment, quand je mentionne un lien, je dis pas toujours où aller. Allez sur assemblagerequis.com, hein? Pourquoi pas? Continuons avec Lightstack. C'est des briques compatibles avec des Lego. Hein? Vous savez que maintenant que Lego a perdu le droit d'auteur, je crois, sur les briques Lego. Bref, les autres compagnies peuvent faire des blocs qui sont compatibles avec les blocs Lego. Mais ceux-là s'allument comme des lumières. Donc, les Light Stacks, c'est compatible avec Lego et Mega Bloks et ça s'allume, ça s'illumine sans fil. Ça contient donc des lumières LED et des contacts électriques sur les briques. Donc, vous allez pouvoir construire votre propre... vous allez construire sur une base Power Stacks qui, elle, va donner le courant à chaque brique. Donc, les briques en tant que telles doivent être sur la base Power Stacks, mais les briques en tant que telles n'ont pas de courant. On se comprend là-dessus. Donc, Light Stacks disponible en ensemble avec différentes quantités, différentes couleurs. Il y a des briques, donc c'est des briques translucides qui peuvent être utilisées pour faire un paquet de choses différentes. Les prix vont entre 20 pour un ensemble de 12 à 137 pour l'emballage qu'on appelle illimité, mais qui contient 102 briques. On peut en savoir plus sur lightstacks.eu. Donc, light comme lumière, L-I-G-H-T, stacks comme une pile avec un X. Donc, S-T-A-X.eu. Vous pouvez commander sur le site si vous êtes en Europe. Et sinon, allez voir sur Amazon pour les acheter ailleurs. Ensuite, on parle de campagne de sociofinancement un petit peu avec lequel que j'avais choisi là-dedans. C'était... il y en a donc bien là-dedans. Ah oui. C'était... Celui-là, voilà, c'est le ACPD Drum Kit and Game, une façon d'apprendre à jouer de la batterie avec son téléphone intelligent iOS ou Android, ou peu importe la tablette. Donc le ACPD Drum Kit est une façon de transformer votre téléphone ou tablette en un instrument pour apprendre à créer de la musique. Hein? Donc il reste encore un petit peu de temps à la campagne, ça va être envoyé en septembre 2017. On essaie d'atteindre le 20 000 $, on peut précommander ça à partir de 49 $. Laissez-moi aller voir sur Kickstarter. En ce moment, ils ont réussi à ramasser plus de 30 000 $. Donc ça fonctionne très bien. Ça s'appelle WIFO, W-I-F-O, Drum Kit and Game, la meilleure façon d'apprendre à jouer. Donc allez voir ça et vous allez pouvoir le recevoir en septembre 2007. Ensuite, quand vous prenez votre douche, des fois ça peut arriver que vous vouliez vous raser en même temps. Donc on a, je crois, combiné les deux ensemble. On a mis une lame de rasoir dans un savon. Ça ressemble un petit peu à mettre une lame de rasoir dans un bonbon. Ça peut être dangereux, je pense. Des barres de glycérine avec une lame de rasoir à l'intérieur pour vraiment focusser, pour être sûr de bien vous laver en portant attention à ce que vous faites pour pas tourner les coins ronds parce que vous voulez pas vous couper avec la lame de rasoir à l'intérieur. Je pense que c'est plus un cadeau gag, 11,70 $ canadiens. Ensuite, ça c'est vraiment cool et pour apprendre peut-être aux enfants, même peut-être aux adultes, comment faire des circuits électriques. C'est une façon donc de dessiner vous-même des circuits électriques qui vont devenir des circuits pour vrai parce que l'encre conduit l'électricité dans ce cas-ci. Hein? Donc c'est un mini-ensemble de chez Circuit Scribe qui peut vous enseigner la base de l'électronique sans avoir à apprendre aussi comment souder et brancher les trucs ensemble. Donc, Circuit Scribe, ça contient un crayon, un stylo avec une encre qui conduit l'électricité. Ça contient 20% d'argent pur Et avec ce crayon-là, on va pouvoir dessiner des circuits, des fils sur du papier normal et connecter ça avec une composante spéciale comme une lumière LED, des boutons pression, etc. pour vraiment tester votre circuit. Étant donné qu'il n'y a pas besoin de soudure, c'est parfait pour les enfants de 8 ans et plus, nous dit-on. Il y a une petite vidéo de démonstration sur assemblagejockey.com. Le kit coûte 10$ pour le mini ensemble, jusqu'à 200$ pour le kit de développeur. Allez sur circuitscribe.com, circuitscribe, circuitscribe.com pour plus d'informations. C'est vraiment parfait pour les enfants futurs geeks. Ensuite, comment est-ce qu'on pourrait construire un meilleur post-it? Une meilleure note collante, petit papier carré autocollant, peu importe comment vous appelez ça. Ici, c'est la compagnie Sock UK qui nous sort les Transparent Sticky Notes. Donc, on parle vraiment de sticky notes, notes autocollantes transparentes. C'est unique, bien sûr, parce que ça vient en forme de star. De star, voyons. Des fois, l'anglais sort un petit peu trop. D'étoiles, de flèches, d'éclairs et plus. Et ce qui fait que c'est encore mieux qu'un post-it normal, c'est bien sûr que c'est transparent et qu'on peut écrire dessus et pointer quelque chose directement. Donc, du papier transparent, c'est simple. Vous pouvez écrire dessus avec un crayon, qu'il soit plomb ou stylo, peu importe. C'est super utile pour le placer dans un livre, par exemple. C'est disponible en paquet de 100 notes autocollantes. On peut aller sur Sock UK pour en commander à partir de 5$. Sinon, c'est sur Amazon aussi. Continuons avec ça. Pour vrai, ça pourrait vraiment être pratique pour ceux qui ont tendance à acheter souvent des serviettes humides pour la salle de bain. Je ne jure que par ça, je trouve ça fantastique, que ce soit pour la toilette ou pour autre chose, pour faire nettoyer les petits dégâts des fois, ça peut arriver. Donc, cette fois-ci, à la place d'acheter tout le temps soit une nouvelle brique de serviette ou encore un porte-serviette qui, des fois, coûte moins cher que d'acheter un paquet, et des fois, il y a des spéciaux sur ça. Mais maintenant, si ça vous tentait de l'intégrer dans votre mur, n'est-ce pas la prochaine étape? D'insérer ça dans la cuisine, dans la salle de bain, donc ça va dans le mur. Ça s'appelle le Forever Fresh In-Wall Wet Wipe Dispenser, qui donc élimine complètement votre porte-serviette qui peut être des fois pas de la bonne couleur parce qu'il restait plus du bon modèle, peu importe. Donc c'est parfait pour les serviettes pour bébé, c'est parfait pour la cuisine, pour les serviettes antibactériennes, c'est parfait dans le garage pour les gants jetables, c'est parfait dans la salle de lavage pour l'adoucisseur à tissu, peu importe ce que vous voulez, dans le mur. Forever Fresh In-Wall Wet Wipe Dispenser. Je trouve ça parfait, c'est encore une fois sur Amazon. Continuons avec un appareil de communication de groupe. Si vous êtes déjà allé dans un magasin grande surface, dépendant duquel et dépendant de quelle année vous êtes allé, je me rappelle qu'à un certain moment donné, dans les Walmart, les employés se communiquaient par un système de communication qui portait sur leur petit manteau, petite veste, peu importe. Donc, ils appuyaient dessus, ça passait aux autres, et là, ça empêchait. Et comme j'ai déjà dit en blague au gars qui m'a servi ma peinture à ce moment-là, Colin, je m'ennuie du moment où les communications inter-employés coupaient la toune de Céline Dion qui jouait en arrière. Le gars, il l'a pas tellement trouvé drôle. C'est bon, c'est pas grave. Donc, c'est un appareil de communication en groupe. Parfait pour les équipes, bien sûr, s'inspirer par Star Trek. Un petit peu, l'appareil est rond avec un petit bouton qui s'illumine vert dans le milieu. Vous appuyez dessus, comme un walkie-talkie, ça va être entendu par les autres. Les autres vont pouvoir appuyer sur leur bouton et vous parler aussi. Tout ça pour quand même un prix assez exorbitant de 300$ canadiens. Donc, ça s'appelle ça. C'est sur Amazon Canada, en passant. Il est disponible au Canada. Ça s'appelle Orion Labs Onyx Smart Walkie-Talkies with Unlimited Range. Mais allez trouver le lien sur assemblagerequis.com. Ensuite, quand vous barrez votre cadenas, votre vélo, peu importe, vous êtes bien content d'avoir une combinaison. Hein, vous pouvez vous-même retenir votre combinaison, personne d'autre va la connaître, votre appareil est en sécurité, ça peut être un ordinateur, des fois qu'il y a ça aussi. Mais que diriez-vous d'une clé USB qui est impossible à ouvrir sans combinaison? Hein, pour garder vos données personnelles pour vous. Hein? C'est basé sur des dessins de Léonard de Vinci. Et votre appareil va être gardé par une combinaison à 5 chiffres, presque impossible à craquer. Donc la clé USB vient en deux morceaux, la clé en tant que telle et le par-dessus qui est comme un genre d'étui à rouge à lèvres si on veut. Donc tu rentres ta clé là-dedans, tu brasses la combinaison et c'est en sécurité. Et quand tu veux t'en servir, tu refais la combinaison et l'ensemble se défait. Donc le Mechanical Combination Lock USB Drive. Continuons avec une tablette. Les tablettes c'est bien cool pour dessiner, mais c'est pas pareil comme dessiner sur du papier. Et dessiner sur du papier, c'est pas pareil comme une tablette parce que tu peux pas facilement l'effacer. Donc on a un peu fusionné les deux ensemble avec le Parblo Pearl P10 LCD Drawing Tablet. Wow! Donc le Pearl ressemble à un lecteur de livres électroniques, c'est très très mince, très léger, ça a quand même un bon contour pour pouvoir tenir votre appareil sur vous. Et il y a un stylet qu'on passe sur la surface avec sensibilité de la pression. Et t'as aussi, tu peux ajuster la largeur du trait et tout ça. Donc, t'as quand même pas mal d'options pour dessiner. T'as pas à changer de crayon à chaque fois. La fonction pour effacer la tablette, c'est un bouton. Le bouton fonctionne grâce à une batterie, la grosseur aussi du bouton. Ça peut effacer jusqu'à 10 000 fois, nous dit-on. Donc, le processus de fonction d'écriture et de dessin ne requiert aucun courant, aucune électricité, étant donné la nature de sensibilité par pression du LCD. Donc, ça ressemble à un écran électronique. Pas besoin d'énergie du tout pour pouvoir dessiner dessus et ensuite l'effacer 10 000 fois. Tout ce que tu as à faire, c'est resetter l'écran. Donc 10 000 cycles, c'est quand même fait pour durer plusieurs mois. Donc le bouton, il y a un seul bouton sur la tablette, un peu comme un bouton sur un iPad, et c'est fait pour effacer l'écran. Il n'y a aucune façon de sauvegarder vos notes ou vos dessins. Il y a un bouton lock par contre qui empêche d'effacer l'écran si on appuie sur le bouton accidentellement. Donc si vous faites un beau petit dessin et que vous voulez le garder et partir en voyage, le montrer à quelqu'un, vous pouvez le mettre dans votre sac avec le bouton barré, ça va pas s'effacer. Quand même, je trouve ça cool comme idée. Je sais pas c'est pour qui exactement. Les gens veulent soit dessiner sur une tablette, soit dessiner sur du papier d'habitude. Mais bon, c'est peut-être un petit peu pour les mêmes gens qui utiliseraient un Etch-a-Sketch, j'imagine. Faire des dessins et puis l'oublier plus tard ou peut-être le garder pour la postérité en le prenant en photo, je sais pas. Pablo Pearl P10 LCD Drawing Tablet, c'est son nom. Ensuite, on parle souvent de services par abonnement dans cette chronique-là, que ce soit du vin, du café, des jouets pour votre chien, peu importe. Maintenant, on a la ThinGeek Capsule. Pour les gens qui connaissent ThinGeek, c'est une révolution. ThinGeek, c'est un site où on peut acheter des gadgets vraiment geek, hein, ça le dit pas mal dans leur nom. Donc, la capsule, c'est un service par abonnement, donc un service mensuel, super, super geek. Donc, c'est un service qui vous envoie 50$ d'articles, entre autres des t-shirts, des macarons, des trucs de tous les jours, de l'art, des jeux, des trucs qui ont rapport avec les films, avec les jeux vidéo. Donc, l'abonnement coûte 25$ par mois. Donc, on vous envoie 50$ de stock, mais ça coûte seulement 25$ par mois, donc vous êtes gagnant au final. Sinon, 90$ pour un abonnement de 3 mois. Et c'est envoyé depuis le mois de juin, la première ThinGeek Capsule qui a été envoyée au début de juin. Donc, il va y en avoir une au début du mois d'août, la prochaine. Allez voir sur thinggeekcapsule.com, thinggeekcapsule.com. Ensuite, on a une aide auditif, en tout cas un appareil auditif, tiens, je vais dire comme ça, qui devient un bracelet vibrant le soir pour garder la personne qu'il porte en sécurité. Ça vient de chez BBDO Bangkok. Donc, pour les personnes qui entendent partiellement, qui doivent enlever leur appareil auditif la nuit. Selon le Ministry of Social Development and Human Society en Thaïlande, presque toutes les personnes qui ont une certaine ouïe vont enlever leur appareil, mais 70% des dangers dans la maison ont lieu la nuit. Donc, qu'est-ce qui se passe si tu peux pas entendre ta sirène ou ton alarme? Eh bien, la Thai Health Promotion Foundation s'est associée avec la Deaf Association de Bangkok pour créer un appareil auditif plus intelligent pour les personnes en Thaïlande qui ont un problème d'ouïe. Donc on parle de 300 000 personnes. Le résultat, c'est le Hearing Rescue, une version modifiée de leur appareil qui existait déjà, qui se transforme en bracelet la nuit. Hein? Donc 35%, nous dit-on, de personnes qui ont participé au sondage ont déjà eu des accidents la nuit parce qu'ils ne pouvaient pas entendre le son qui était vraiment un danger. Donc avec l'aide de BBDO Bangkok, Hearing Rescue détecte les sons dangereux et va ensuite faire vibrer le bracelet, qui est le même appareil, pour avertir la personne. Le bracelet a été programmé pour reconnaître les sons potentiellement dangereux avec un minimum de 60 décibels, ainsi que des patterns, donc par exemple le son d'urgence qui ferait des bips à intervalles réguliers, les sirènes, les chiens qui jappent, même les alarmes de feu. C'est disponible en précommande en ce moment pour environ 200$ américains chaque. Donc c'est sur hearingrescue.com. Je trouve l'idée vraiment fabuleuse. C'est quasiment plus cool qu'un Fitbit pour les gens qui ont un problème d'audition. Ensuite, pour les collectionneurs, un exemple des miniatures des vendeurs porte-à-porte, oui, au début du 20e siècle. Si aujourd'hui la majorité du commerce se fait via Internet, il y avait une époque où si une société voulait vendre ses produits, passer par des petites annonces dans les journaux n'était pas suffisant. Il existait donc des commerciaux, des personnes qui passaient de porte en porte pour présenter leurs produits en version miniature et peut-être gagner un nouveau client. Tu sais, quand t'es vendeur de tapis, mettons, tu veux pas avoir à transporter des gros tapis grandeur nature dans ta voiture, donc t'as des petits tapis. Donc il fallait parvenir à présenter au mieux l'objet en question. Par exemple, un vendeur de billard ou de piano n'allait pas se trimballer la table de billard ou son piano à queue à terre réelle. Donc le plus simple fut de créer des maquettes miniaturisées des objets en question. reflétant le plus fidèlement possible et avec tous les détails et les mêmes matériaux la pièce à vendre. Donc Mental Floss s'est amusé à répertorier certaines de ses mallettes en vente sur Internet pour certaines, avec entre autres une miniature piscine, un assortiment de néons colorés, une table de billard, un assortiment de tapis persans miniaturisés. La plupart des objets présentés par Mental Floss sont déjà vendus, mais il en existe d'autres sur le marché. Donc allez voir l'article sur assemblagerequis.com. On parle des fois de magasinage au lieu de produits à acheter dans cette chronique. Si vous vous ennuyez dans les magasins, eh bien, il y a des cabines qui sont faites juste pour vous. Évidemment, les articles que j'ai vus passer disent pour les hommes qui attendent les femmes. Là, est-ce qu'on peut arrêter de faire du sexisme, du stéréotype comme ça, s'il vous plaît? Donc, il y a un centre commercial chinois qui a pensé à toutes les personnes contraintes d'accompagner leur tendre moitié ou autre durant de longues séances de shopping en proposant des cabines d'attente 100% geek. Donc, patienter pendant que sa moitié fait son shopping dans les magasins est une torture pour beaucoup de gens. Un supplice que le Global Harbor, un centre commercial de Shanghai, aimerait éradiquer de ses murs. Sa solution est de proposer des cabines d'attente avec un confort très geek. Donc, sièges pour gamers et jeux vidéo sont notamment au programme. Il est également possible de se faire masser dans la cabine ou tout simplement de faire une petite sieste. Les premiers utilisateurs de ces cabines d'un nouveau genre sont ravis, forcément. Certains espèrent même que désormais leur moitié passe plus de temps dans les magasins pour prolonger la partie. Ça me rappelle un petit peu les fauteuils vibromasseurs qu'on a dans les centres d'achat, mais dans une cage avec vraiment du jeu vidéo, oui, sur des écrans. Vraiment cool. Donc, les cabines sont proposées gratuitement pour tester l'accueil des visiteurs. À terme, l'accès devrait être payant contre une somme modique que les personnes intéressées pourront débourser en scannant un code QR. Passer l'effet de curiosité, et la gratuité, on peut se demander si le succès de ces cabines va perdurer ou demande plug-in. Mais si c'est le cas, on aimerait ça voir ce genre de salle d'attente ailleurs dans le monde. Tant qu'à mettre un divan avec une télé synthétisée à TVA, là, commandité par TVA, je pense que ce serait pas mal mieux d'avoir une petite cabine comme celle-là. Hein? Ensuite, pour terminer, une société japonaise qui vient en aide aux personnes trompées avec un service très particulier. Donc, si vous êtes en couple, peut-être marié, sinon vous vous apercevez que votre partenaire vous trompe, vous en êtes certain, vous avez rassemblé les preuves et vous connaissez même l'identité de celui ou celle qui a pris votre place dans le lit, peut-être le cœur de votre époux-épouse, eh bien, cette société japonaise vous promet une solution radicale et haut de gamme pour les faire rompre. Jinza Ladis One, c'est le nom de la société qui vous permet de louer un acteur ou une actrice qui se rapprochera de la troisième personne dans le but de la convaincre de mettre un terme à la relation qu'elle entretient avec votre partenaire. Les formules sont variées de 30 jours à 30... je vais essayer de chercher le prix en dollars canadiens pour vous. 3000 euros, ça donne environ 4400 canadiens. Jusqu'à 240 jours pour 74 000 euros. Et ça donne... Ah, ben celui-là, il veut pas. Ben voyons donc, t'as peu. Ah! 109 000 $ canadiens. Jin's Ladies One garantit les résultats. Donc, la méthode, c'est que l'acteur ou actrice devient ami avec la troisième roue et recueille ses confessions et, comme tout bon ami le ferait, le conseille sur cette relation entretenue avec une personne mariée avec laquelle, manifestement, il n'y a aucun espoir. La société, consciente que le fond du problème n'est pas là, propose également des médiations de couple et des coachings pour redonner de la vie à un couple au point mort, ainsi que des conseils pour le divorce. Une palette d'offres assez large pour couvrir une bonne partie des problèmes que la plupart des couples peuvent rencontrer. Donc, encore une fois, ça s'appelle c'est sur Ladis, L-A-D-I-S, trait d'union, wakeresaisaya.com. Allez donc trouver le lien sur assemblagerequis.com, ça va être plus simple pour tout le monde. C'est dans les notes de l'émission numéro 1115. Voilà. On prend une pause. Au retour, ça va être notre deuxième heure avec les instructions d'assemblage. Restez avec nous. Assemblage requis. deuxième heure d'Assemblage Requis pour la semaine du 24 juillet 2017. Je m'appelle Mathieu Plante. Tania Baudin est en reportage, comme on l'appelle. Elle n'est pas avec nous aujourd'hui. Elle est occupée à autre chose. C'est la première fois qu'elle manque depuis un bon bout, alors qu'elle le mérite bien d'aller faire d'autres choses. On va la retrouver la semaine prochaine, espérons-le. D'ici la fin de l'émission, on a une grosse pointe à l'adresse. On goûtera à rien. Malheureusement, ça me tente pas de manger tout seul. Donc, on va se faire des nouvelles de fast-food en troisième heure. Pour la deuxième, on va se faire du instruction d'assemblage, notre petit segment de conseils de vie. Mais avant ça, j'ai vraiment envie d'entendre le groupe Bébé Soleil que j'aime surtout pour son nom. Voici Souliers de course, Assemblage Requis. Assemblage Requis. Ah, c'est bon ça. Tu sais, tantôt je disais que je les aimais surtout pour leur nom, mais la musique est pas pire pareil. Maintenant, toujours à Assemblage Requis, c'est le moment de se renseigner sur comment mieux vivre. Voici les instructions d'assemblage. Nous vous remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Prenez quelques vis numéro 77 et boulez-les aux charpentes numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17. Repliez le tige numéro 45A. Ouais, mais ça marche pas. Les instructions d'assemblage, la chronique dans laquelle on se donne des petits conseils, mais on n'est pas obligé de les suivre, hein? On fait juste vous dire ça comme ça, vous prenez ce que ça vous tente de prendre. Même moi, la plupart de ces conseils-là, je les suivrai sûrement pas. Commençons avec Name Checker, qui vous permet de savoir si votre nom est disponible sur une douzaine de sites. Je sais pas si vous êtes comme moi, là, mais j'aime bien l'uniformité dans mes noms d'utilisateurs sur les réseaux sociaux. J'aime ça quand c'est Mathieu Plante partout. Mais malheureusement, quand j'ai fait mon Gmail, j'ai choisi M Plante, donc quand j'ai voulu prendre Mathieu Plante récemment, il n'était plus disponible. fait que ça me dérange. Même chose pour Instagram, j'ai pas pu avoir Mathieu Plante, donc je suis Plante Mathieu sur Instagram. J'aime pas ben ça, je trouve ça pas beau. Je trouve ça encore moins beau quand il y a des chiffres dedans. Hein? Donc justement, tiens, quand vous voulez vous trouver un bon nom pour votre site web ou pour vous-même, peu importe, c'est plate quand quelqu'un d'autre le prie, donc peut-être que t'aimerais changer de nom pour en avoir un qui est partout pareil. Eh bien, Namechecker cherche sur une douzaine de sites en même temps pour voir si ton nom est disponible. Donc, tout ce que t'as à faire, c'est aller sur le site Namechecker, avec pas de E à la fin, checker.com, et tu vas pouvoir chercher sur une douzaine de sites de réseaux sociaux, ainsi que des noms de sites web en même temps, tant qu'à aller sur un site comme GoDaddy ou autre pour aller acheter un nom de domaine, faites-le au même endroit, les .com, .net, .org et point, peu importe, voir si c'est disponible. Si ce n'est un petit crochet vert, sinon un cercle rouge avec une barre à l'intérieur, particulièrement utile si vous voulez démarrer une compagnie ou un site web. Même si un nom de domaine est disponible, des fois ça peut se, on peut se faire prendre parce que le nom est pris sur les réseaux sociaux. Donc cherchez les deux en même temps, namechecker.com, j'aime beaucoup l'idée. Ensuite, on nous dit de demander un rabais sur un nouvel article si on brise quelque chose alors qu'il n'est plus garanti. Il y a un article qui est sorti ce matin même par rapport à la Apple Watch, la montre d'Apple. Vous savez qu'il y a eu la Apple Watch normale, ensuite il y a eu une Apple Watch Series 1 puis une Apple Watch Series 2. Donc la première, on l'appelle 0 rétroactivement. Et ceux que leur Apple Watch 0 est brisé, vu qu'il n'y en a plus de modèle comme ça, maintenant c'est Apple accepte même si t'es plus couvert ou quelque chose comme ça, là, je me rappelle plus les détails, mais ils vont te la remplacer par une Series 1 qui est un modèle un petit peu meilleur avec un meilleur processeur. Donc, même chose ici, c'est ce qu'on nous conseille sur Rather Be Shopping. Kyle James nous explique qu'il a découvert un petit truc quand son Fitbit a brisé. On parlait de Fitbit tantôt dans le segment Ça existe. Malheureusement, sa Fitbit n'était plus sous garantie depuis au-dessus d'un an. Mais il a quand même contacté Fitbit via leur live chat et il a expliqué la situation. L'opérateur du live chat lui a offert un rabais de 25% sur l'achat d'un nouveau tracker. Donc, un rabais de 25%, c'est pas mal mieux que rien. C'est pas mal plus que n'importe quel coupon qu'il aurait pu trouver sur Internet. Anecdote personnelle, j'achète mes souliers chez Nike, je trouve la qualité vraiment parfaite et leur modèle d'affaires parfait. Leur boss a accepté de prendre une grosse coupure de salaire de comme plusieurs dizaines de pourcents parce qu'ils vont mal financièrement. Donc je suis allé sur le site de Nike pour commander des souliers et puis j'ai parlé au live chat et en leur disant, tu sais, je sais pas, je vais sûrement attendre, blablabla, ils m'ont donné plein de rabais. Donc demandez-le, la plupart du temps ça fonctionne. Même chose chez Bell pour ma télé et tout ça, j'avais un prix spécial pendant la première année. J'ai appelé au début de la deuxième année pour leur dire, ouais, mais là ça commence à être cher pas mal, et puis ils m'ont refait un rabais. Je paye moins cher maintenant que je payais pendant la première année avec les rabais. Donc pour vrai, ça vaut vraiment extrêmement la peine. Essayez ça. Un conseil comme ça. Celui-là, tu sais, des fois, je dis que je suis pas mes propres conseils. Celui-là, je le recommande énormément. Pourquoi payer plein prix? T'as pas à payer plein prix la plupart du temps. Un autre conseil qui vient de ma vie personnelle, je parlais avec quelqu'un qui me disait que c'était vraiment plate de pas pouvoir chercher correctement sur Netflix. Je sais pas si vous avez déjà essayé de chercher sur Netflix, c'est pas mal impossible. À moins que vous connaissiez le nom, les catégories sont plutôt douteuses. Et puis là, tu vas voir dans ton menu, bon, série récemment ajoutée. Présentement, c'est des succès. T'as mes amis recommandent ça. Et c'est tout le temps les mêmes séries, encore et encore et encore, à dire qu'ils veulent que tu regardes les séries qu'ils te disent de regarder. Ça m'énerve. Il y a des façons de chercher les catégories sur Netflix et en plus de sauvegarder vos favoris avec une extension pour Google Chrome. Netflix, pour ceux qui ne savent pas, a une tonne de catégories cachées. C'est des codes qu'on peut utiliser pour trouver des films dans une catégorie spécifique, que ce soit genre film étranger d'action et d'aventure ou que ce soit film d'action asiatique. Tu peux avoir vraiment des catégories très spécifiques. Donc, l'extension ajoute un bouton à votre barre de menu Chrome. Tu cliques dessus, tu vas voir une liste de catégories que tu ne trouveras pas sur le site de Netflix en tant que tel ou dans les catégories sur l'application Netflix. Tu peux chercher les catégories par nom pour trouver quelque chose de très spécifique. Si tu tombes sur une catégorie que tu aimes beaucoup, tu cliques sur le petit cœur et ça va le mettre en haut de ta liste la prochaine fois que tu vas ouvrir l'extension. Le bouton fonctionne même quand tu n'as pas Netflix d'ouvert. Donc, ça ouvre Netflix encore et ça t'amène à la page de la catégorie. Ça s'appelle Netflix Categories et c'est sur le Chrome Web Store. J'ai cherché un peu dans les codes de catégorie parce que la personne dont je parlais tantôt me demandait c'est plate de pas pouvoir chercher les séries doublées en français. J'ai malheureusement pas trouvé le raccourci pour les séries doublées en français. Je crois que ça existe pas. Je trouve ça dommage parce qu'il me disait qu'il avait regardé Aquarius, la série avec David Duchovny sur Netflix saison 1, qui était doublée en français, et il arrive à la saison 2 et elle n'était pas doublée en français. J'imagine que ça va venir plus tard, ça arrive. En passant, pour ceux qui s'attendent à avoir une version française plus tard, sachez que ça arrive pour vrai. Hein. Je regardais Full House, une série familiale des années 80-90. Et à un moment donné, ça me dit dans le coin de l'écran, bon, à partir du, mettons, je sais pas, 1er août, Full House ne sera plus disponible. Fait que là, je capotais, je me suis dit, il faut que je regarde ça super vite. Finalement, le 1er août arrive, ils ont retiré Full House et remis la version avec la version française dessus. Donc maintenant, on peut regarder Full House en français. Donc ça arrive que Netflix fait ça. Peut-être que Aquarius, présentement, la version doublée en français n'est pas encore disponible. Peut-être que ça s'en vient. Peut-être qu'il y a une question de droit par rapport à une chaîne française qui a l'exclusivité à la version française. Quand sais-je? Mais tenez-vous au courant et au moins allez installer l'extension Chrome, Netflix Categories. Voilà. Ensuite, on parle de tâches vraiment fatigantes, là, tu sais, de la vaisselle, les trucs que tu dois faire. Ben, on te suggère, à toi, l'auditeur, de le faire plus tôt, avant que ça devienne quelque chose qui va t'enlever toute ta motivation. Donc, quand tu vois de la vaisselle dans le lavabo, tu stresses pas parce que t'es pas encore rendu au niveau critique. Tu dis, il y a encore de la place dans mon lavabo. Je suis encore capable de mettre de l'eau dans mon verre. Je suis encore capable de, je sais pas, de vider quelque chose dans le lavabo, peu importe. Et là, tu reviens dans quelques jours et le lavabo est plein. Hein? Et là, ça t'enlève toute ton énergie. Donc, la prochaine fois, on dit de tuer la bête pendant qu'elle est toujours bébé. J'adore ça. C'est un site de finances personnelles qui s'appelle How Do I Money, qui nous explique que c'est facile de passer par-dessus les tâches mondaines, comme faire la vaisselle, le lavage, peu importe, quand le problème est encore petit. Hein? Ça prend très peu d'effort à le faire à ce moment-là. Ça va te prendre un petit 3 minutes de faire ta vaisselle. Le lavage, bon, ça dépend s'il faut que tu ailles le faire à pied à buanderie du coin. Hein? Mais bon, donc attendez pas que ça devienne trop lourd. Faites-le plus vite et vous allez vraiment être reconnaissant envers le vous du passé. Si je peux dire que c'est comme ça. Donc ça a l'air assez évident comme conseil, mais je l'aime bien quand même. C'est comme ça que j'essaie de vivre ma vie. Ensuite, il y a des conseils que je suis. Il y a plus de conseils que je suis que de conseils que je suis pas à date. Il y a quelque chose qui marche pas dans mon principe aujourd'hui. Si vous utilisez YouTube sur votre téléphone cellulaire, qui n'utilise pas YouTube de nos jours? C'est un des sites les plus populaires sur Internet. Est-ce que vous saviez que vous pouvez cliquer deux fois sur les rebords d'écran depuis quelque temps pour reculer et avancer? C'est le fun, ça, hein? Quand une vidéo est très, très longue, si vous prenez le petit point YouTube en bas de l'écran et que vous le draguez, vous allez avancer ou reculer beaucoup trop parce que la barre est relative à la longueur de l'écran et la longueur de la vidéo, hein? Donc, si une vidéo est courte, ça va prendre quelques secondes à se rendre de l'autre bord. Si c'est plus long, ça va prendre des heures. On comprend le principe. C'est pas, je suis pas là pour expliquer ça à des épais. Mais si vous voulez reculer juste de 10 secondes ou avancer de 10 secondes, tap, tap, sur le côté de l'écran, ou de l'autre, et ça fonctionne super bien. iOS, Android, peu importe. Dans l'application YouTube, tap tap, et ça avance ou ça recule. C'est dans les plans de Google depuis 2015. C'était dans les plans, maintenant c'est sorti. Ça fait quand même un petit bout de temps que je l'ai sur mon application YouTube sur iOS. Mais bon, pour ceux qui ne savent pas encore, hein, quand vous ne savez pas, c'est nouveau pour vous autres. Hein? Ensuite, on nous suggère d'arrêter les livres. Quit books, démissionner de la lecture. Pour enfin réussir à faire un impact dans votre liste de lecture. Ça a l'air un petit peu contradictoire, hein? Donc, t'imagines ta liste de lecture potentielle, ta bibliothèque de livres, comme une tour de Pise, hein, de Pise, hein? Qui est comme une manifestation de ta queue de livres électroniques, de ta file, peu importe. Tu veux tout le temps finir plus de livres, mais t'arrives pas à passer au travers. Donc, Harvard Business Review nous explique que c'est pas une question de vitesse de lecture, mais une question d'effort de lecture. Donc, voici quelques trucs pour passer au travers. Dans les 8 trucs que HBR suggère, celui qui ressort le plus, c'est de démissionner d'un livre à la mi-chemin. Des fois, on a de la difficulté. C'est un peu la même chose pour les séries télé. Peut-être moins les films, parce que c'est quand même relativement court. Mais quelque chose qui est sur une longue période, de longue haleine, c'est que tu te dis, bon, ben, je vais finir des fois que ce serait bon. Hein? Quand t'aimes pas ça à la moitié, là, c'est bien rare que ça redevienne meilleur. Hein? Donc c'est un peu de la culpabilité que là que t'as, ok, je vais devoir finir ce livre-là, et là ça devient comme une tâche que t'as à faire, ça tente pas de le finir, tu veux pas démissionner parce que tu veux pas être un quitter, hein? Donc à la place de te sentir mal, recadre ça comme quelque chose de positif. Tu prends le temps pour lire les choses que t'aimes ou les choses de qualité, même chose pour les séries, donc garde ton temps précieux pour les choses de qualité. Donc à la place de t'en faire avec ta montagne, hein, vas-y sur la qualité au lieu de la quantité. J'aime ça. Ensuite, on essaie de se débarrasser de vieilles choses en vendant les choses que tu n'achèterais pas de nouveau aujourd'hui. C'est de la difficulté à décider, donc. Pourquoi est-ce que je te tutoie depuis quelques... Il me semble que je fais pas ça, tutoyer auditeur à l'habitude, mais bon, j'ai une manie aujourd'hui, faut croire. Donc, demandez-vous, dans votre sous-sol, par exemple, est-ce que j'achèterais ça aujourd'hui, dans le présent, maintenant? Donc, un site de finances personnelles nommé The Minimalist nous dit qu'on accumule beaucoup de choses qu'on veut pas vraiment garder. Souvent, on met ça dans le sous-sol, dans une pièce qui est réservée pour ça, dans un garde-robe, peu importe. Vous l'avez déjà payé, vous le gardez, donc, parce que vous l'avez payé, hein. Le lancer à la poubelle, ce serait une perte. Donc, imaginez que votre sous-sol est un magasin. Hein? Donc, visitez votre sous-sol comme si vous étiez en train de chercher pour acheter des choses. Est-ce que je m'achèterais ce cadre-là aujourd'hui? Est-ce que j'achèterais ces livres-là aujourd'hui? Donc, quand tu passes tes choses dans ce filtre-là, c'est plus facile de décider de quoi te débarrasser. Donc, peut-être un vieux vélo d'exercice, même si tu l'as déjà payé. Revends-le, au moins tu vas faire un petit peu d'argent. Ce ne sera pas une perte totale. Tu vas avoir compensé un petit peu. Donc, pour vrai, encore un autre bon conseil. Ensuite, on essaie d'avoir des conversations moins ennuyantes en embrassant, je vais utiliser ce mot-là parce que c'est ce qui est écrit dans le titre, mais en acceptant tes vulnérabilités. Voilà. Donc, des fois, tu te sens peut-être comme une personne, j'ai commencé à tutoyer, une personne ennuyante. Il faut trouver un refuge, il faut s'encourager en pensant à School of Life qui nous dit que t'es pas ennuyant. T'es probablement juste gêné ou tu restes sur tes gardes. Donc, c'est une petite vidéo sur assemblagerequis.com qui nous dit qu'on n'est pas... On se fait enseigner, on apprend à être normal dans la vie, à rester approprié, à être acceptable normalement. Des fois, nos pensées intérieures, nos opinions, nos peurs, nos désirs, les choses plus excitantes à notre sujet se font enterrer parce qu'on essaie d'être normal avec les autres. Je dis « on » là-dedans et ça m'élimine complètement là, parce que la plupart du temps, je suis juste awkward. Donc, par modestie, par habitude, des fois, on va pousser nos choses les plus intéressantes vers le bas en essayant de rester respectable, mais la conversation devient plate. Hein? Donc, on compte des anecdotes qui oublient des détails le fun, des détails sur pourquoi on était là, pourquoi on est allé, qu'est-ce qui nous rend intéressant là-dedans dans le fait d'être allé là. Donc, tu veux avoir l'air plus excitant dans ta conversation en focusant moins sur les choses objectives et en focusant plus sur les choses qui sont subjectives, tes sentiments, tes opinions, des choses cocasses que tu as remarquées, que tu trouvais intéressantes. Et de l'autre côté, on nous dit que tu as probablement eu une conversation vraiment ennuyante avec des gens qui parlaient seulement d'eux-mêmes. Donc, c'est pas une question de parler de soi-même tout le temps et de devenir un petit peu vantard. C'est plus de remarquer des choses chez les autres ou dans les choses que tu fais pour créer de l'empathie. Tu comprends? Voilà. Hein? Tu comprends ça? Quand je te tutoie, j'ai l'impression d'être plus proche de toi. Mm-hmm. Ensuite, on essaie de se motiver un peu. C'est difficile à traduire un petit peu, mais des fois, on appelle scapegoat, pas un mouton noir exactement. Scapegoat, c'est quelqu'un qui va prendre le blâme. Je me demande si en le cherchant... Ah, j'ai cliqué sur le titre, je peux pas faire ça. Hein? Faut que je sélectionne comme ça. Scapegoat, quelqu'un qui va servir... bouc émissaire, je pense. Hey, oui, bouc émissaire, j'ai même pas eu à le chercher finalement, j'avais pas eu le temps. Je suis fier de moi. Donc, un bouc émissaire imaginaire, c'est ce qu'on va utiliser. Les gens, dans le fond, on nous dit que les gens, lorsqu'ils travaillent contre quelque chose, à l'encontre de quelque chose, même si c'est pas réel, ça va mieux. Donc, si tu trouves une façon de... Si tu cherches une façon de te motiver, tu devrais te donner un bouc émissaire imaginaire. Donc, c'est Nir Eyal chez Harvard Business Review, nos bons amis, qui explique donc le système du scapegoating, qui est la pratique d'imaginer qu'il y a un certain vilain qui complote, qui conspire contre toi. Par exemple, que ce soit le boss. Alors, en anglais, des fois, on dit « the man », donc l'homme au sommet. Les haters, des fois, on va dire ça. Sinon, on va dire même juste « il », comme dans « they », tu sais, « eux ». Hein? Donc, on les utilise comme bouc émissaire. On les blâme pour ce qui nous retient dans la vie. Ah, c'est la faute du gouvernement. Ah, c'est la faute de mes taxes. Je sais pas trop quoi. Donc, c'est dangereux de penser comme ça des fois, mais ça peut être super utile comme outil de motivation si tu approches les choses de la bonne façon. Donc, si on imagine une force qui travaille contre nous, qui essaie de nous empêcher d'avancer, on a plus de chances de se sentir comme motivé parce que tu veux leur prouver qu'ils ont tort. Donc, tu résistes aux tentations, tu travailles plus fort pour te rendre jusqu'à tes buts. Donc, c'est nous, non pas contre nous-mêmes, mais nous contre les forces de l'ordre, si on veut, le fameux « eux ». Donc, tu dis des choses comme « ils ne veulent pas que je réussisse, donc je vais réussir en me battant. Ils s'attendent à ce que j'échoue, je vais réussir. » Donc, tu te motives à leur prouver qu'ils ont tort, même si c'est pas vraiment toi. Donc, l'article est quand même intéressant chez Harvard Business Review. Allez lire ça sur assemblagerequis.com. On continue avec... on vient avec une extension Chrome que j'aime beaucoup qui s'appelle Enhanced History qui vous donne une historique complète de vos recherches, vos filtres, vos étiquettes, tout ça de votre historique web. Hein? Donc, sur Chrome, des fois, tu lis un article, tu te rappelles que c'est dans ton historique à quelque part, hein? Tu te rappelles que c'est dans le passé, à un moment donné, je me rappelle, il me semble que c'était un mardi, j'ai vu ça, il me semble que c'est sur tel site, et là, tu réussis pas à le trouver. Ça m'arrive tellement fréquemment, peut-être à vous aussi. Donc, Enhanced History peut vous aider. C'est une version, on appelle ça une Ben, je veux dire un dérivé, un fork, donc une fourche qui ressort de l'application de l'extension Better History, mais sans les gros problèmes de malware qu'il y avait à l'intérieur de cette extension-là il y a quelques temps. Donc c'est une version améliorée, sans mouchard électronique à l'intérieur. Donc une fois qu'on installe Enhanced History, ça nous donne un contrôle complet sur la recherche, l'étiquetage, les tags, l'organisation et le filtrage de votre historique de furteur par titre de page, par mot-clé ou par adresse pour pouvoir trouver exactement ce que tu cherches. Surtout depuis que Google Chrome a remplacé son historique, qui était absolument correct, par un historique avec le look Material Design. C'est lourd, tu sais pas qu'est-ce qui est un bouton, tu sais pas sur quoi cliquer, tu sais pas comment classer ça. Je trouve ça tellement mal fait. Donc allez-y avec ça, vous allez avoir beaucoup plus de plaisir. Et côté sécurité, ça dit que ça garde toutes les données au niveau local et que ça ne rappelle pas à un serveur, donc ça garde toutes les permissions à un minimum absolu. Le projet est à source libre, source ouverte, donc les gens peuvent le modifier et voir le code, donc peuvent s'assurer qu'il n'y a rien à l'intérieur de méchant. C'est disponible sur le Chrome Web Store, ça s'appelle Enhanced History. Je vous conseille ça très fortement. Ensuite, on essaie de passer par-dessus notre anxiété en ayant une routine anxieuse, une routine d'anxiété, je dirais, pour essayer de s'en sortir. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, quand une situation est stressante, vous sentez votre anxiété monter. C'est facile pour votre cerveau de se perdre un petit peu dans les détails. Pour contrer ça, on va se donner une routine d'anxiété à faire quand tu ressens l'anxiété commencer. Donc, c'est un producteur et auteur, Brian Koppelman, qui nous explique que c'est plus facile de gérer son anxiété quand tu as une routine familière pour aider à te calmer. Que ce soit de la méditation, partir prendre une marche, te séparer de la situation, faire tout le temps la même chose calmante à chaque fois que tu as un petit début d'anxiété. Ça va signaliser à ton cerveau, ça va te donner un signal à votre cerveau et à votre corps que c'est l'heure de se calmer un petit peu. Donc, c'est le site Inc. C'est un site d'affaires qui s'appelle Inc. INC, qui offre plusieurs options. Donc, d'autres routines de participants à un sondage qu'ils ont fait. Entre autres, boire quelque chose, aller faire du vélo, aller se mettre au soleil, rester dans le moment à la place de laisser ta tête s'emporter. Je sais pas si ça existe. Donc, prendre des respirations profondes, prendre 5 minutes chaque matin après de s'être réveillé pour penser à la journée, lire quelque chose d'inspirant, écouter une balado-diffusion, apprendre un nouveau passe-temps, peut-être du ski, calligraphie, karaté, écouter les gens avec de l'empathie à la place de penser à toi-même et la prochaine phrase que tu vas dire, visualiser un processus que tu vas faire ou où est-ce que tu vas t'en aller, sinon aller à un spa pour te tremper un petit peu et vider ton cerveau. Donc, plein de solutions comme ça. Et on dit que gérer l'anxiété, et évidemment, on dit qu'il y a une différence entre avoir de l'anxiété quotidienne et avoir un désordre d'anxiété, qui pourrait être une condition qui demande de l'aide externe. Donc, faites attention pour le deuxième cas. Une routine ne va pas nécessairement vous aider, quoique ça ne peut pas vraiment nuire. Hein? Ensuite, on nous dit qu'on devrait, encore une fois, le mot « embrace », donc on devrait accepter, on devrait se soucier des moments où on se sent seulement correct. Tu sais, on aime tous être heureux, on sait ce que c'est d'être malheureux, mais les moments où tu te sens juste normal, correct, donc chercher ces moments-là peut te mener à une impression. Si tu cherches ces moments-là, oui, c'est ça. Si tu cherches seulement ces moments-là, tu vas peut-être finir malheureux. Ici, par contre, on dit que si tu t'attends au bonheur, ça va être encore plus difficile. Donc, à la place, allons-y avec le milieu. On va recadrer un petit peu comment on pense à ces moments-là où tu te sens juste normal. Et on va essayer de réaliser qu'on est plus heureux en général que malheureux. Donc, si tu regardes la moyenne, t'es souvent plus en haut de la moyenne qu'en dessous de la moyenne. Et il faut être reconnaissant de ça, nous dit un expert en neurosciences, Rick Hansen. Il dit que, je cite ici, que le cerveau est comme du téflon pour les expériences positives et du velcro pour les moments négatifs. Donc, on a appris à travers la vie d'apprécier ces petits moments simples de la vie où les choses vont vraiment vont vraiment beaucoup mieux. Mais il faut apprécier aussi les moments où t'es correct. Voilà. C'est à peu près ce que ça veut dire. Ça tourne en rond un petit peu comme article. Vous comprenez le principe. On peut passer à un autre article. Hein. Mais j'aime beaucoup sa citation, par contre. Je vais la retenir, celle-là. Que notre cerveau est comme du téflon pour le positif. Donc, ça coule dessus puis on s'en rend pas compte. Et velcro pour le négatif. Donc, on s'accroche au moment négatif. On devrait faire le contraire. Ou peut-être pas le contraire, mais au moins modifier notre façon de penser. Ensuite, on y va avec... on est toujours dans les instructions d'assemblage en passant la chronique où on donne des conseils de vie. Donc, on utilise le système à 5 dossiers pour réussir enfin à organiser notre boîte courriel. Encore une autre tranche de vie. Une personne avec qui je travaille en ce moment, une personne qui me coach un petit peu dans un emploi, donc est en train de me dire qu'il faisait le ménage de son système de courriel. Et là, il me disait qui avait plusieurs milliers de courriels dans son inbox. Dans sa boîte de réception, plusieurs milliers de courriels. Et là, je le voyais à côté de moi pendant qu'il me coachait parce que c'était rendu ma journée où je travaillais tout seul, fait que lui, il pouvait faire autre chose. Et il classait ses courriels un par un dans son archive ou dans des dossiers, un par un. Il prenait pas le temps, premièrement, de désinscrire à ses lettres de courriel, de nouvelles. Une autre façon aussi de faire, c'est de remarquer que tu as des courriels qui viennent de la même place et taper ce nom-là dans la recherche et toutes les effacer en même temps. À un moment donné, ça devient lourd. Moi, mon système préféré, que j'utilise depuis des années et qui me rend particulièrement heureux, j'aime le Inbox Zero. Donc, mon but, c'est d'avoir une boîte de courriel qui est toujours à zéro. S'il y a une boîte de courriel, s'il y a un message dans ma boîte de courriel, c'est que j'ai besoin d'y répondre ou d'agir. C'est les seules raisons que mes courriels seraient dans la boîte d'accueil. Donc, premièrement, prenez votre boîte de courriel avec plusieurs milliers de courriels. Moi, je vous dirais, allez-y avec l'option nucléaire. Si vous n'avez pas eu besoin de ces courriels-là depuis un an, vous n'en avez pas besoin. Si vous voulez y retourner plus tard, sachez qu'il y a un engin de recherche là-dedans. Hein? Donc, si c'est un courriel pour mes, je sais pas, les heures de vacances ou peu importe, tapez heures de vacances, vous allez le trouver. Hein? Et utilisez aussi les étoiles. C'est un principe que j'aime beaucoup. J'ai le petit dossier étoilé qui a toutes mes affaires dessus, qui sont taguées par ma job, par le personnel. Il y a plein de conseils comme ça. Ici, on va aller chez Fast Company, qui nous organise ça en 5 dossiers. Donc, c'est une autre façon de faire. Moi, je préfère la méthode que je vous ai dit. Mais ici, on a une méthode à 5 dossiers qui va vous donner un petit peu plus de flexibilité pour faire votre ménage et garder tout ce dont vous avez besoin, à un clic seulement. On commence donc par le dossier boîte de réception, inbox, qui est là seulement pour retenir les choses dont vous avez besoin tout de suite. Les courriels ne devraient pas rester là plus longtemps que le temps que ça prend pour le mettre dans un autre dossier ou d'agir. Donc c'est ça, la seule exception, c'est les choses qui ont besoin d'une réponse immédiate ou les choses comme un compte à payer que vous voulez pas oublier de payer. C'est mon expérience, j'ai 3 courriels dans ma boîte courriel en ce moment, c'est 3 comptes à payer. Numéro 2, dossier pour classer ces courriels, donc après la boîte de réception, on a aujourd'hui. Donc ça, c'est évidemment tous les courriels qui ont besoin d'une réponse aujourd'hui. Ensuite, le dossier cette semaine. Toutes les choses qui ont besoin d'être répondues avant la fin de la semaine. Ensuite, ce mois-ci, ou dépendant comment fonctionner ce quart, peut-être cette session-ci, ou peu importe. Donc ça, c'est les choses qui ont besoin d'une réponse à plus long terme. Donc, dépendant de votre rôle, ça pourrait être par mois, ça pourrait être janvier à mars, ça pourrait être janvier à avril, peu importe. Donc, plus long terme, moyen terme. Et un dossier qui s'appelle... eux, ils l'appellent FYI, donc au besoin ou pour information seulement. Donc, c'est des trucs d'information que tu as besoin pour référence plus tard. Donc, à la place d'avoir à chercher, tu pourrais classer dans ton dossier pour information seulement. C'est une façon de faire. Vous pouvez classer sinon vos courriels par envoyeur. Hein. La plupart du temps, pas mal tout le temps, nos systèmes de courriels sont classés par ordre d'arrivée. Donc les plus récents en premier, les plus anciens en dessous. Classez donc par envoyeur à la place. Vous allez pouvoir prendre tous les courriels d'une seule personne que vous savez que vous n'avez plus besoin. Schlack! Schlack-moi ça dans un dossier. J'aime ça. C'est une façon de faire. Bon. Ensuite, faites ce que vous voulez avec ça. Hein. Ma méthode n'est pas meilleure que la vôtre, elle est juste différente et moi je l'apprécie. Ensuite, on essaie de faire des sacs pour ses vacances, des valises, peu importe. On va y aller avec des rouleaux, je vais appeler ça un wrap de vêtements pour des vacances familiales plus faciles. Donc, rouler des vêtements, on le sait, c'est une des meilleures façons de faire une valise. On a toujours dit de rouler un t-shirt, ça prend beaucoup moins de place que de le mettre à plat. C'est tout à fait vrai, mais imaginez si on allait plus loin que ça, avec un bundle, un ensemble de différents habits pour le voyage, qu'on peut juste tirer le rouleau et s'habiller immédiatement. Et en plus, vous allez pouvoir montrer peut-être à vos enfants ou peu importe comment faire leur propre bagage de la façon la plus efficace possible. Donc, on va s'assurer que chaque bout de votre emballage soit aligné d'un côté. Donc, on va mettre, par exemple, dans cet exemple-ci, on aurait pantalon, t-shirt et bas, peut-être sous-vêtements cachés en dessous. Et on va rouler à partir du bas. On va tous les aligner du même côté, on se comprend. Aligné à gauche, si on utilise les termes du web. Et on va rouler ça comme un wrap. Peut-être pas comme un wrap. Je veux dire comme un wrap chez McDo. Genre un wrap qui flippe pas le dessous, là, fait que ça tombe de partout. Là. C'est ce genre de wrap-là qu'on veut faire. Et non pas un vrai bon wrap où on emballe le bas pour que les affaires restent dans le wrap. Hein. Ça, je pense qu'ils n'auront pas enseigné comment faire des wraps chez... Mais bon, donc on va se préparer encore plus rapidement en ayant un wrap de vêtements. La sauce à l'ail à part, s'il vous plaît. Ensuite, on va budgéter un petit peu. Hein. Je sais, les conseils de budget, c'est les plus difficiles à retenir, les plus difficiles à mettre en branle, je pense, dans mon cas. On nous dit qu'on ne devrait pas budgéter notre bonus ou notre remboursement d'impôts ou peu importe. Il y en a qui n'ont pas encore fait leur impôt. Je pense qu'il y avait tu pouvais remettre ça plus tard. Il y avait des trucs comme ça. Bref, peu importe. Donc, si vous avez une grosse somme d'argent qui s'en vient, mettons, d'un autre job qui va vous donner un méchant bundle d'argent puis que vous savez que vous n'êtes pas sage. Hein? Donc, lorsqu'on crée un budget, On a plus d'argent que prévu des fois à cause d'un bonus ou d'un remboursement d'impôt. Donc, c'est de Motley Fool qui nous explique qu'on ne devrait pas compter là-dessus. On ne devrait pas prendre ça pour acquis et le mettre dans un budget. Hein? Donc, ce serait mieux d'être conservateur et de garder ça comme un à côté. Hein? Donc, on compte pas ça comme argent entrant. Parce que, premièrement, c'est pas garanti. Que ce soit une bourse ou quelque chose comme ça, ça se peut que vous ayez mal fait le travail et que vous n'ayez pas votre bourse à la fin, je sais pas. Peut-être que ta compagnie a une mauvaise année, peut-être qu'ils réussiront pas à rencontrer des buts, ou peut-être que toi, tu avais des buts fixés pour avoir un bonus et tu les as pas atteints. Donc cet argent-là pourrait ne pas rentrer. Même chose pour les retours d'impôt. Des fois, bon, OK, tu peux avoir un gros retour d'impôt, mais il y a des années où ta situation a changé, peu importe, et tu vas avoir à donner de l'argent aux impôts. Donc ne budgétez pas ça, c'est ce qu'on nous dit. Je sais que c'est super déprimant à entendre. Ne laissez pas votre bonus dans la catégorie des choses nécessaires. Pour payer, par exemple, je sais pas, qu'est-ce que tu pourrais avoir à payer? De l'hydro, je sais pas. Peu importe. Vous comprenez le principe, hein? On devrait utiliser ça comme un coussin financier, un buffer, comme on appelle. Ensuite, celui-là me fait rire un petit peu, mais j'aurais peut-être pas rire, là. Ceux qui aiment le sadomasochisme, le BDSM en anglais, vous avez besoin d'un médecin de confiance, nous dit-on. Donc, une visite chez le médecin, ça peut être des fois, bon, on va dire malaisant, je sais que c'est pas un mot, mais ça peut rendre mal à l'aise. Et en utilisant le mot malaisant, un jour, il deviendra un mot. C'est ce qu'il faut se dire. Donc, tout le monde a besoin d'un médecin, d'un docteur en qui on peut avoir confiance. C'est particulièrement important, surtout si vous vous présentez chez le médecin avec des blessures qui sont plus difficiles à expliquer, comme des kinks que vous avez dans votre sadomasochisme. Donc, c'est Cosmopolitan qui nous dit que les gens qui ont peur d'avoir des discussions importantes avec leur médecin et d'autres à cause de leur vie sexuelle. Y en a un, par exemple, qui n'était pas allé voir un médecin à cause d'une courte brisée parce qu'il pensait que son médecin allait penser que la personne était victime d'abus sexuels ou de viol ou peu importe. Ça devient pas mal difficile d'expliquer ça, une courte cassée des fois. Sinon, une autre personne avait remis sa visite chez le gynécologue parce qu'elle ne voulait pas expliquer ses bleus partout, encore une fois, pour des raisons de violence sexuelle. Donc, un récent sondage de patients qui ont des kinks, donc qui sont sadomasochistes et autres, par rapport à leurs besoins. Plusieurs patients préféraient ne pas avoir... c'est ça. La plupart des patients disaient qu'ils aimeraient bien en parler à leur médecin, mais la moitié environ ne l'avait pas dit encore à cause du stigma anticipé. C'est la raison la plus commune. Le National Center for Sexual Freedom a un répertoire qui s'appelle le Kink Aware Professionals. Donc, évidemment, c'est aux États-Unis dans ce cas-ci. Donc, renseignez-vous peut-être pour trouver un médecin qui aurait plus de... peut-être moins de jugement et plus de... Ouais, c'est ça, d'ouverture d'esprit, je vais le dire comme ça, tiens. Ensuite, on a quelques conseils pour avoir du plaisir lors d'événements où tout le monde boit, mais que toi, tu bois pas. Ça arrive, des gens qui boivent pas, peu importe la raison, et il y en a plein de raisons pour ça, que ce soit religieuse, que ce soit de ventre plein d'enfants, que ce soit peu importe. Donc, on a tous différences d'alcool, tiens, je veux dire des différences d'alcool. L'alcool, des fois, est une façon de relaxer et d'être confortable lors d'événements. Il y a une petite vidéo par Charisma sur Charisma Uncommon, c'est une chaîne YouTube, qui nous dit qu'on peut quand même avoir un bon moment, passer un bon moment, même si tout le monde est sous et pas toi. Donc, l'idée de faire semblant, là, des fois, on dit fake it till you make it, capture un petit peu l'esprit de la vidéo, parce que c'est une question vraiment de changer sa façon de penser et ensuite d'agir. Donc, en premier, on suggère de voir ça comme un défi personnel, donc de prévoir, d'avoir l'intention d'être quelqu'un qui parle beaucoup et d'avoir beaucoup d'énergie, donc d'être la personne que tu penses que t'es quand t'as bu de l'alcool, mais sans l'alcool, tu comprends? Donc c'est comme un défi, je vais être comme quand j'ai bu de l'alcool, sans bien sûr, des fois, le côté désagréable qui crie tout le temps, hein? Ça dépend des gens, il y a des bons Soulons et des mauvais Soulons, on en connaît tous. Donc cette intention-là va s'amener dans vos conversations aussi. Le deuxième truc, c'est un complément du premier qui suggère essentiellement de faire une version amusante du power posing. Du power posing, on a déjà parlé de ça à l'émission à un moment donné, je me rappelle. C'est de faire, d'avoir un langage corporel qui va réduire le stress et vous rendre plus confiant, donc se tenir bien droit, etc. Avoir l'air d'avoir confiance en toi. Bref, c'est une version amusante de ça. Et on dit d'arrêter aussi d'aller à des événements qui sont pas le fun sans alcool. Évidemment, ça serait peut-être une bonne façon de faire. Des fois, on n'a pas le choix, ça arrive. Tu peux poliment refuser et puis échanger ça avec une autre idée pour un autre party, un autre rassemblement de gens. Donc, le plaisir va être quand même là. Mais plus tard, hein, allez voir la vidéo sur assemblagerequis.com si ça vous intéresse. Colin, que le temps passe vite. Il nous en restait trois dans ce bloc-là. Je vais les finir, vu que je suis seul aujourd'hui et rien, aucune autre contrainte. La meilleure façon d'ouvrir un pot lorsque toutes les autres façons ont échoué, t'as essayé de frapper le pot sous le comptoir, t'as essayé avec un couteau, moi c'est ma façon préférée avec un couteau, utiliser une bande de caoutchouc pour bien tenir le couvercle, sinon donner ça à un ami qui a beaucoup de muscles, t'arrives pas à ouvrir le pot, voici ce qu'on doit faire. Premièrement, bon, on connaît déjà le conseil de passer le couvercle sous de l'eau chaude, mais certains couvercles doivent être exposés plus longtemps à la chaleur pour fonctionner. Donc, quand tout le reste échoue, Sarah Jample chez Food 52 recommande ce truc. Virer le pot à l'envers, le submerger dans un bol d'eau chaude pendant une minute ou deux, et ensuite utiliser la méthode de la traction pour l'ouvrir. Donc, tu vas peut-être devoir rafraîchir l'eau plusieurs fois pour que l'eau reste bien tiède ou chaude dans l'évier. Tu dois maintenir la chaleur pendant longtemps. Et ensuite, ça devrait pouvoir fonctionner par traction. Donc, encore une fois, peut-être avec un linge ou avec un morceau de caoutchouc. Et là, ça devrait, avec patience, s'ouvrir. Donc, une façon d'ouvrir un pot. Hein? Un petit truc de magazine ici, là. Ensuite, tiens, on essaie d'amener de l'alcool, du vin dans sa valise. La façon la plus facile d'amener du vin dans sa valise, du vin, ça peut être un cadeau assez commun. Quand tu vas chez quelqu'un en voyage, tu vas le remercier avec, avec une bouteille de vin. Sinon, peut-être que tu voyages, tu ramènes du vin, peu importe. Prends-toi une paire de bas. C'est la façon la plus facile de transporter du vin. Donc, une bouteille de vin, on nous dit que tu as besoin d'une paire de bas. Tu vas mettre un bas sur la bouteille à partir du bas. Okay. Et ensuite, tu vas emballer le deuxième bas autour du goulot de la bouteille, qui est la partie la plus fragile. Tu vas rouler un chandail ou un foulard autour du reste de la bouteille pour la coussiner encore plus. Et tu vas placer ça entre plusieurs couches de vêtements dans ton sac. On dit que tu peux sinon emballer la bouteille dans un sac de plastique, juste au cas où la bouteille avait des fuites. Et puis, tu peux utiliser aussi cette méthode encore un peu comme un wrap, comme on a dit tantôt pour les vêtements, pour emballer les cadeaux délicats, les souvenirs. Ou sinon, ben, Colin, tu lui ordonnes la bouteille avec des bas, pis ça fait un meilleur cadeau encore. Et pour terminer, combien d'argent devrais-tu économiser chaque jour pour devenir un millionnaire? Que ce soit en début de carrière ou même si tu travailles depuis plusieurs décennies au même endroit, t'as peut-être déjà imaginé ta carrière, ta fin de carrière idéale, ta retraite idéale, hein? Donc, en termes de dollars que tu as besoin d'économiser pour vivre confortablement après ta retraite, le chiffre, le nombre, est différent de personne en personne, basé sur votre style de vie et ce que vous voulez accomplir pendant votre retraite. Donc, le planificateur financier Wes Moss qui dit que la plupart des gens pourraient vivre avec, on nous dit, 500 000 $ US en poche, 500 000 $, mais que d'autres analystes croient $1 million. Et le montant parfait, évidemment, on sait que 500 000 $ canadiens, ça veut dire... Attends un petit peu, en dollars canadiens. J'avais pourtant écrit correctement. Ah oui, ça fait 627 000 $. Et on va essayer 1 million. Ça, c'est 1 avec... 6, ça fait 100 000. Et un autre, ça fait 12... Non, attends, j'ai mis un zéro de trop. Ça fait 1,2... Non, 1,25 million de dollars canadiens. C'est... Wow! C'est beaucoup, hein? Donc, économiser dans les 7 chiffres a déjà l'air insurmontable. C'est l'auteur de Smart Couples Finish Rich, David Back, qui dit que devenir riche n'est rien de plus que s'engager, se commettre au plan d'investissement. T'as pas besoin d'avoir d'argent pour faire de l'argent, t'as juste besoin de prendre les bonnes décisions et d'agir. On dit qu'il est jamais trop tard pour économiser et que la clé pour construire un bon petit nid, c'est le montant d'argent qu'on doit économiser quotidiennement pour devenir millionnaire à l'âge de 65 ans. Ça prend seulement 2 $ par jour pour se rendre jusqu'à 1 million de dollars US pour devenir... Donc, si tu as 20 ans présentement, quand tu vas avoir 65 ans, à 2 $ par jour... Wow! Et quelqu'un qui aurait 25 ans qui commencerait maintenant a besoin d'économiser 3,57 $ par jour, environ le coût d'un latte. Et plus tu es vieux, plus tu vas devoir... travailler fort pour économiser. Donc, un homme de 40 ans va devoir économiser 20,55 $ par jour. Un homme de 45 ans, on parle de 38,2 $. Il est jamais trop tard pour économiser. Même quelqu'un de 55 ans n'aurait qu'à mettre 156 $ par jour ou 4,749 $ par mois de côté pour se rendre au million de dollars en seulement 10 ans. Wow! Il y a un petit tableau qui vous montre ça. C'est en dollars américains, mais c'est pas mal la même chose en dollars canadiens, hein, on s'entend. C'est juste le but qui est différent. Si vous voulez atteindre le 1,25 million, donc ça fait un... En tout cas, vous comprenez le principe. J'ai tellement de la misère avec les affaires d'argent. Hein. Ah, voilà, c'est tout. Sur cette note déprimante pour la chronique des instructions d'assemblage, on va faire un autre bloc tantôt. Je pense qu'on va avoir le temps, peut-être un petit bloc plus court. Les notes de l'émission numéro 11-15 pour les liens si ça vous intéresse. On prend une pause au retour. Plus d'instructions d'assemblage et une grosse pointe à l'adresse. Restez avec nous. Assemblage requis. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89. Vous écoutez Assemblage Requis pour la semaine du 24 juillet 2017. Je m'appelle Mathieu Plante. Tania Baudin va être de retour avec nous la semaine prochaine. Il nous reste encore, comme je disais tantôt, une grosse pointe d'adresse à faire en dernière heure. On va pas goûter à quelque chose, malheureusement, pas de dégustation, parce qu'il y a personne d'autre que moi pour y goûter aujourd'hui. Donc on va reprendre ça la semaine prochaine, mais on va se faire plein de nouvelles de fast-food parce que c'est le spécial surplus d'inventaire aujourd'hui. J'essaie de faire un petit ménage dans les liens que j'ai accumulés depuis les derniers temps. Il y en a vraiment beaucoup. Mais avant de continuer avec une deuxième partie des instructions d'assemblage, écoutons du Hooded Fang que j'aime bien. Voici Queen of Agusan tout de suite à Assemblage Requis. Queen of Agusan, assemblage requis. Maintenant, c'est le moment de continuer avec une deuxième partie des instructions d'assemblage. Nous vous remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Prenez quelques vis numéro 77 et boulinez ou charpente numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17, repliez le tige numéro 45A. Les instructions d'assemblage où on se donne des petits conseils de vie. On va faire ça un petit peu plus court que l'autre chronique de tout à l'heure. Commençons avec notre ami Billy Wong qui nous montre comment manger des ailes de poulet, mais de la façon la plus propre possible. Hein? Tu sais, manger des ailes de poulet, ça fait des dégâts comme ça se peut pas. Billy Wong, qui a créé les dinosaures dans Jurassic Park et Jurassic World, donc quand même quelqu'un d'assez talentueux, nous montre une technique où on enlève le plus petit os en tordant les deux côtés, les deux bouts de l'aile. Et ensuite, comme Wong nous dit, on utilise ça un petit peu comme un suçon. On met l'autre côté de l'aile dans la bouche en tenant le côté du plus gros os et en mordant la viande. Donc, une façon efficace et relativement propre de manger des ailes de poulet, dans son cas avec un bel habit et sans rien salir. Donc on va écouter un petit peu notre vidéo de cet ami Billy Wong ensemble. C'est une vidéo bien courte. Billy Wong vous montre comment manger des ailes de poulet proprement. Je vais vous montrer comment correctement manger une aile de poulet à deux os. C'est celle qui est plus plate. On pourrait dire que c'est l'aliment le moins bien compris. On prend comme une manette de PlayStation. On prend l'aile de poulet comme une manette et ensuite on tord d'un côté à l'autre jusqu'à ce qu'on sente le cartilage briser. Et ensuite, tout ce que vous avez à faire, c'est d'utiliser l'os. Le plus petit, on enlève l'os complètement. Et ensuite, on l'insère dans la bouche comme un suçon et on tire la viande. Et ça marche, là, ça se peut même pas. Hey, c'est efficace. Wow! That is how you properly et c'est comme ça qu'on mange correctement la section à deux os d'une aile de poulet. Merci, ici Billy Wong. Wow, c'était parfait, c'était fantastique, j'adore ça. Merci Billy Wong, je te suis maintenant dorénavant, je te trouve vraiment cool comme monsieur. C'est le fun ça, hein? Des affaires de même, là. Hein? On aime ça. Ensuite, casse pas ta tête, comme on dit. Ensuite, on demande aux employés comment ils passent leur heure de dîner pour connaître la culture de la compagnie. Company culture, des fois, ça peut influencer comment ta vie va être au travail de plusieurs façons. C'est donc pour ça que c'est important de savoir comment est la culture d'une compagnie avant d'interviewer pour un nouvel emploi. Donc, c'est pour ça qu'on va poser des questions sur l'heure de dîner. Donc, comment les employés passent leur heure de dîner est une bonne indication de l'aspect social de la culture d'une compagnie, comment les employés se sentent par rapport à leurs tâches. Souvent, donc, les employés qui vont se sentir un petit peu surmenés vont dîner à leur bureau pour profiter de chaque minute de travail possible. Si les employés mangent ensemble dans une salle de pause, et donc il se passe des trucs où on parle pas de travail, on parle de notre vie de tous les jours, c'est un bon signe que la culture fait que les gens peuvent être eux-mêmes. On a l'impression de pouvoir être eux-mêmes au travail. Donc, il va toujours y avoir des gens qui vont préférer travailler derrière leur bureau quand même, même si les autres sont en salle de pause. Donc, faut quand même pas uniformiser ou généraliser, là, mais en demandant à ton intervieweur peut-être comment eux et les autres employés de la compagnie passent leur heure de dîner. Tu pourrais voir un petit peu comment est la culture plus spécifiquement. Voilà. Ensuite, si vous avez un MacBook, peut-être avez-vous remarqué que l'indicateur de pourcentage de batterie de pile n'était plus dans votre macOS. Voici comment donc le ramener. Apple a enlevé l'indicateur de temps de batterie qui restait sur votre macOS. L'indicateur donnait quand même une bonne petite impression de la batterie qui restait, mais ils l'ont enlevé parce qu'apparemment que c'était pas tout le temps exact. Donc après avoir mis à jour votre macOS à 10.12.2, quand vous cliquez sur l'icône de la batterie, le temps restant est parti et on a maintenant seulement un pourcentage. Tantôt j'ai dit pourcentage, au début je me suis trompé. Donc il ne reste plus le temps restant, mais seulement le pourcentage, avec une liste d'applications qui utilisent plus d'énergie que d'autres. Donc c'est ça, c'était apparemment le temps restant était confusant, était mêlant ou rendait les gens confus parce que le temps change dépendant de quelle application tu utilises. Si par exemple tu utilises Google Chrome qui utilise beaucoup de batterie, ton temps changeait, ça descendait, ça montait tout le temps, donc t'étais un petit peu mêlé. Donc dépendant des gens qui utilisaient cette fonctionnalité-là, vous pourriez peut-être vouloir l'avoir. Donc on va regarder dans Activity Monitor, le moniteur d'activité, et on va cliquer sur l'onglet Énergie. En bas de l'application, on va voir temps restant estimé. Et si ça te manque d'avoir ça sur ta barre d'état en haut, ta barre de menu qu'on appelle, je crois, sur le Mac, donc il y a plusieurs moniteurs système qui ont un indicateur de batterie qui indique aussi le temps restant. Il y a entre autres Monity, M-O-N-I-T-Y, qui coûte un petit 5$ environ canadien, qui va mettre l'information dans votre centre de notification du menu. Sinon, il y a aussi Coconut Battery, qui, elle, est gratuite si vous aimez les trucs gratuits. Il y a plein d'autres informations disponibles aussi. Allez voir l'article pour les liens sur assemblagerequis.com. Ensuite, toujours sur le Mac, si vous avez déjà utilisé la fonctionnalité image sur image, picture in picture, vous pouvez déplacer cette image-là, cette vidéo-là, comme si vous écoutez, mettons, une vidéo sur Vimeo, vous pouvez la minimiser en petit picture in picture, un petit peu comme sur les anciennes télé. Il y a des gens qui savent pas qu'on peut la tasser en tenant le bouton commande. Hein? Donc c'est une nouvelle fonctionnalité qui date de macOS Sierra. Donc ça c'est la version précédente. En fait c'est la version courante jusqu'à cet automne où ça va être High Sierra. Bref, ça va snapper automatiquement au coin le plus près. Et bien, Olsten Daily nous dit qu'on peut la bouger en tenant la touche CTRL après avoir créé la fenêtre, tout ce qu'il y a de plus simple là-dessus. Et ça va vous permettre de ne pas la snapper au coin. Moi, je préfère la snapper au coin. La snapper n'importe où, finalement. Ensuite, la meilleure façon de jouer à Super Mario Run dans le métro. Si vous avez joué à Super Mario Run, vous savez que c'est un jeu de Mario sur iOS et sur Android qui rend pas mal accro, hein? Quand même un bon jeu. Mais on peut pas jouer hors ligne. Donc, vous êtes quelqu'un qui prend l'autobus, peut-être l'autobus, ça fonctionne bien, le métro, entre autres. Ça marche mal, parce que Super Mario Run est fait pour fonctionner tout le temps en ligne pour pouvoir empêcher les pirates d'applications. C'est surtout fait pour aller juste vérifier le serveur de Nintendo, un petit ping une fois de temps en temps. Donc, une fois que le jeu est chargé, il reste comme ça jusqu'au prochain check-in. On peut jouer avec quelques façons de contourner ce check-in-là. Et la meilleure façon de faire, nous dit lifehacker.com, est de sélectionner et de charger un niveau dans le World Tour. Quand vous êtes en haut de la Terre, donc quand il y a du Wi-Fi ou du signal LTE, peu importe, vous pouvez passer le niveau au complet, même si vous perdez la connexion. Étape numéro 2, jouer un niveau et essayer de faire ton meilleur run, ou sinon encore, faire de ton focus le ramassage de pièces colorées. Et aussitôt que tu gaffes, ou que tu sais que tu n'auras pas les pièces qu'il te faut, tu peux faire pause et redémarrer le niveau, et tant et aussi longtemps que tu arrêtes avant de te rendre au drapeau, tu vas pouvoir recommencer le niveau aussi souvent que tu veux, sans avoir à être sur Internet. Une fois que tu as enfin ton run parfait, donc ton parcours parfait, ou que tu as réussi à avoir ta pièce de monnaie que tu cherchais vraiment, là tu peux finir le tableau, tu vas avoir un code d'erreur, mais une fois que tu vas revenir en haut de la Terre, le jeu va se reconnecter, va faire son check-in et va vous donner les pièces de monnaie que vous méritez. Donc c'est pas une méthode idéale, mais quand même ça peut fonctionner pour le jeu Super Mario Run. Voilà. Il y a des trucs qu'on n'a pas choisi de faire, par contre, en haut du sol, comme trouver des pièces spéciales ou faire des Toad Rally. Il faut absolument être en ligne. Voilà. Ensuite, on nous suggère de faire de gros cubes de glace géants pour les parties avec des moules à popsicle. Si tu prévois faire un gros bol de punch ou un cocktail communautaire lors de party, le truc de ta concoction, je dirais, sans diluer la saveur, pourrait être des gros cubes de glace. Donc, quand la glace refroidit votre breuvage, ça va aussi fondre et ça va diluer le mélange. Les plus petits morceaux de glace, plus ils sont petits, en fait, plus ils fondent et se diluent rapidement. Donc, pour quelque chose comme un gros bol de punch qui va être là toute la soirée, tu veux que la glace fonde très lentement, se dilue aussi lentement que possible, sans perdre la saveur. C'est pour ça que Lisa Friedman chez The Kitchen nous recommande d'utiliser des plus gros morceaux de glace et on peut les faire facilement avec un gros moule à popsicle en laissant tomber les bâtons qui vont à l'intérieur, juste à se mettre de l'eau bien bonne dans votre rack et vous pouvez même ajouter un petit peu de saveur de fruits, peu importe, et ajouter ça à votre bol, à votre pichet ou à un autre type de breuvage. Ensuite, s'exposer de façon passive à un langage, à une langue, peut en fait vous aider à l'apprendre plus facilement. Apprendre une langue, ça peut être assez difficile, mais il y a quelques trucs qu'on peut faire pour s'aider un peu, pour absorber le langage. On appelle ça l'osmose linguistique. C'est donc l'exposition passive à un langage. Donc, c'est pas mal ça. Chez Scientific American Mime, Veronique Greenwood nous partage deux études qui nous parlent donc de bonnes nouvelles par rapport aux gens qui apprennent des langues. Les deux études, une du Journal of Acoustical Society of America et l'autre du Journal of Memory and Language, suggèrent qu'écouter une langue que tu étudies à l'extérieur de ton temps d'études peut t'aider à accélérer le processus. Donc, ton cerveau est capable de porter attention à des choses Ton cerveau est capable de porter attention aux choses que tu as intentionnellement, auxquelles tu as intentionnellement porté attention. Voilà. Donc ton cerveau va être capable de passivement voir ou entendre des mots et des phrases que tu as déjà étudiées intentionnellement, on se comprend là-dessus, et ça va t'aider à apprendre plus rapidement. Donc t'écoutes de la radio, t'écoutes des balado-diffusions, de la musique, même de la télé. Moi c'est comme ça que j'ai appris l'anglais. La télé, même si je comprenais pas tout au début, ça aide à absorber la langue. Je dirais encore plus, je l'ai déjà dit ici, mais ajoutez des sous-titres à votre émission en anglais. Écoutez l'émission en anglais, pas doublé, là. En anglais, avec un sous-titrage en anglais, ça vous aide vraiment beaucoup. En tout cas, moi, ça m'a aidé. On nous dit que vos finances ne sont pas obligées d'être parfaites pour fonctionner. Ouais, tu sais, on lit beaucoup de conseils financiers dans cette chronique-là. On peut commencer à comprendre quelles erreurs les gens font. On nous dit que c'est correct. Non seulement c'est correct d'être imparfait, mais qu'on peut virer un désastre en une bonne chose. C'est le site de finances personnelles de Frugal Vagabond qui nous explique que l'imperfection financière est un fait dans la vie. Que ce soit, bon, d'avoir plus de dettes de carte de crédit que prévu, rater quelques paiements de factures, ou ne pas assez économiser. Tout le monde, des fois, a de la difficulté. Ça veut pas dire que tu as échoué complètement et ça veut certainement pas dire que tu ne peux pas rebondir et revenir dans le noir et dans la bonne position. Donc, c'est ce qu'on nous partage sur ce site-là. On nous dit que, bon, même si t'es financièrement imparfait dans une relation, c'est toujours possible de revenir sur la bonne piste. Apprenez les bases de la finance personnelle, faites-vous un budget, commencez à économiser, payez vos dettes. Ça se fera pas rapidement, j'en suis témoin. C'est pas mal long, jusqu'en 2021. Mais faire les changements nécessaires pour commencer à rééquilibrer ton budget, c'est faisable pour à peu près tout le monde, même si t'es imparfait quand tu le fais. J'aime ça, c'est positif malgré le négatif là-dedans. Ensuite, si t'es pour demander une faveur à quelqu'un, t'es mieux de le faire en face à face. Ça a l'air assez évident, mais c'est plus facile d'éviter la confrontation dans la vie en envoyant un courriel ou un message texte en suppliant quelqu'un de te rendre service. Mais t'es beaucoup mieux de le faire en personne, face à face, nous dit une recherche de Cornell et la University of Waterloo. Le côté malaisant, comme je vais dire, et j'ai dit que ça allait devenir un mot si on l'utilisait assez, le côté malaisant va en fait améliorer tes chances. Le résumé, c'est que c'est peut-être malaisant pour toi, mais c'est aussi malaisant pour eux, et cela la faveur est assez simple à accomplir. Ils vont sûrement juste vouloir t'aider parce que l'humain veut aider l'être humain d'habitude. Donc, il va, même s'ils auraient dit... S'ils avaient dit oui, ça dit moins. Hein, entre eux. Même s'ils allaient dire oui, de toute façon, le faire en face à face va avoir un petit quelque chose de plus, voilà. Donc, ça a un impact selon l'étude. Là, je vous épargne quelques détails. Donc, la prochaine fois que vous avez besoin de quelque chose de la part de quelqu'un, surtout quelqu'un au travail, nous dit-on, ou quelqu'un avec qui la relation peut être difficile par moment, se lever et aller leur demander en personne serait beaucoup mieux qu'un courriel pour avoir ce que vous désirez. Et pour terminer, on a BW Dance qui transforme la musique en vibration et en visualisation pour les gens qui sont sourds, qui ont un problème, qui sont malentendants, qui ont un problème d'ouïe. Donc évidemment, une bonne partie de nos auditeurs, assez fous, c'est des gens sourds. Donc sur iOS ou Android, la belle chose dans la musique, vous le savez, c'est qu'on peut l'entendre, hein, mais on peut aussi la ressentir pour les gens qui ont un problème d'ouïe. Donc BW Dance change la musique en signaux de vibration et en lumière clignotante pour que les sourds et les malentendants puissent visualiser, ressentir et danser sur la musique. Vitaly Potapchuk, qui est un des cofondateurs de l'application et un excellent onomatopée, Vitaly Potapchuk, explique un petit peu le résumé sur Product Hunt. Il dit être un développeur sourd et c'est son cercle immédiat, bah, tu sais, qui se ressemble, ça semble, son cercle immédiat est sourd aussi, dont sa femme, un couple sourd. Donc, il a construit l'application BW Dance pour amener une sensation de rythme via les vibrations et les lumières dans leur monde tout à fait silencieux. La communauté sourde a beaucoup de limites et avec cette application-là, une de ces limites-là peut tomber, donc danser sur de la musique. L'application est assez simple à utiliser une fois qu'on l'a téléchargée. On va simplement ajouter une chanson directement de son appareil. On sélectionne une chanson, on fait play et l'application va visualiser la musique avec un anneau de lumière et va envoyer des vibrations à votre téléphone en même temps que le rythme de la chanson. On peut voir une vidéo de démonstration sur assemblagerequis.com. C'est donc simple et possible donc de suivre la chanson, danser dessus même quand tu peux pas l'entendre. Et vous pouvez aller voir l'application BW Dance sur l'Apple Store et sur le Google Play Store. Et si tout va bien, on est supposé avoir une petite vidéo de démonstration. J'imagine qu'ils vont parler un petit peu avant, on va avancer au pire. Les gens sourds et malentendants ressentent une chanson de Noël via l'application spéciale pour la première fois de leur vie. Donc là, c'est des enfants qu'on voit dans un petit parc pour enfants avec des balles de toutes les couleurs, des marteaux jouets, etc. Et là, on voit le téléphone cellulaire avec l'application chargée BW Dance, avec un homme barbu très très chic en train de leur montrer ça. Il a l'air de sortir directement du lit avec ses cheveux tout éparpillés. Et là, les enfants prennent l'application, leur gardienne aussi, leur tuteur ou peu importe, tutrice. Et là, la lumière du flash du téléphone se met à clignoter, la vibration se fait sentir dans les mains, les enfants sont comme « mais qu'est-ce qui se passe? » Ils ont leur petit appareil sur l'oreille, l'appareil qui aide les personnes malentendantes, et j'imagine qu'ils peuvent entendre un petit bruit, un petit fond de musique, j'imagine. En fait, j'imagine que l'application ne doit pas jouer la musique du tout. Ou est-ce que c'est le cas? Faudrait que je l'essaie. On l'entend pas parce que la vidéo nous montre seulement le visuel avec une musique générique par-dessus. Donc, les enfants ont l'air de hocher de la tête et dire que oui, ils comprennent bien, ils aiment ça. Ils peuvent eux-mêmes choisir les options. Et c'est pas mal ça. T'sais, les personnes signent quelque chose. Tantôt, on avait du sous-titrage au début, puis là, on n'a plus de sous-titrage, fait qu'on sait pas ce qu'ils disent. C'est le fun, hein? Bref, allez voir la vidéo sur assemblagehockey.com, on a assez entendu. Et on prend une pause, on retourne. C'est une grosse pointe d'adresse, restez là. Assemblage hockey qui se poursuit pour encore une petite heure, un petit peu moins d'une heure. Alors, on va faire une grosse pointe d'adresse tantôt. J'ai déjà dit qu'on ne goûterait à rien cette semaine parce que je suis seul en studio. Moi, Mathieu Plante, Tania Baudin va être de retour la semaine prochaine. Elle est en assignation, qu'on appelle en reportage dans le domaine. Malheureusement pour moi, mais ça veut pas dire qu'on a pas de plaisir. On va faire des nouvelles de fast-food dans quelques instants. Mais avant ça, on a le temps pour une petite pièce musicale. Question de respirer un peu. Voici le groupe Off Course. Et Marilyn, assemblage requis sur C'est Fou, 89 FM. Wow! You! Mutac! Mutac! We'll be right back. la crise en somme touche fond. On tourne en rond, faut-il que je crie pour que tu le dessines, Marilyn. J'ai beau minimaliser au minimum et matérialiser la crise en somme. J'ai beau minimaliser au minimum et matérialiser la crise en somme. J'ai beau minimaliser au minimum et matérialiser la crise en somme. J'ai beau minimaliser au minimum et matérialiser la crise en somme. Marilyn. Marilyn de Off Course à Assemblage Requis. Maintenant, ben, il nous reste 45 minutes environ, juste assez de temps pour faire une grosse chronique d'une grosse pointe en dresse. La confusion totale. Une grosse chronique d'une grosse pointe d'adresse. Voilà. Aujourd'hui, on a une thématique. C'est le fun, une thématique une fois de temps en temps dans cette chronique fast-food-là. Chronique où on parle de fast-food, que ce soit au Québec ou ailleurs dans le monde. On essaie de parler de choses dont vous avez peut-être moins entendu parler dans d'autres médias. C'est ce que j'essaie. Je fais mon gros possible là-dessus pour pas vous parler de Poutine Tim Hortons comme tout le monde en parle. Hein? On va ailleurs un peu. Mais notre thématique que je mentionnais, c'est une thématique burger. Aujourd'hui, thématique burger. On commence avec le cœur de bœuf qui est permis dans les burgers depuis plusieurs décennies. Il y a eu une confusion récemment par rapport aux standards américains de la USDA qui a mené à plein de grands titres disant que le cœur de bœuf allait bientôt faire son apparition dans le bœuf haché américain. Et bien maintenant, le blog Munchies de Vice nous dit que c'est là depuis pas mal longtemps. Hein? Donc, le United States Department of Agriculture, le bœuf américain, nous dit-on, peut contenir du cœur de bœuf. Il y a eu un article sur Consumerist qui disait « Grâce à un changement de politique, votre bœuf haché pourrait inclure plus de cœur que vous croyez. » Ça a l'air un peu mal, mais on peut se calmer quand même un petit peu parce que ce n'est pas un nouveau règlement, c'est déjà le cas. L'origine date de juillet de l'an dernier où quelqu'un avait demandé au service d'inspection Food Safety and Inspection Service de la USDA si le cœur de bœuf était permis dans le bœuf haché. La réponse courte est que oui, c'est comme ça depuis des années. Voilà. Ensuite, In-N-Out Burger poursuit un nettoyeur à sec dans le Kansas. C'est une chaîne basée en Californie, à Irvine en fait, qui a été alertée à un logo copycat comme on l'appelle, par des clients qui étaient déçus, qui pensaient qu'un nouveau restaurant de la chaîne ouvrait dans le Kansas. On dit souvent qu'imiter, hein, l'imitation est la forme la plus sincère de... Comment t'appelles ça? La phrase, je me rappelle jamais en français ce que c'est, mais bref. L'imitation est aussi une façon d'être du bord de la poursuite. Hein? C'est ce qui se passe chez In-N-Out Cleaners à Wichita, dans le Kansas, qui a l'air d'avoir emprunté son nom et son logo de la très célèbre chaîne de burgers californienne. In-N-Out Burgers, c'est TMZ qui nous dit donc que le nettoyeur à sec, ouvert depuis le mois de septembre, se fait poursuivre pour un montant qui n'est pas sorti encore par rapport à son nom et à son logo. Assez difficile de dire le contraire en version In-N-Out Burger et la version In-N-Out pressée à sec. Ça a pas mal copié, le rouge, le jaune est là. Les supports même, les cintres sont jaunes avec un angle presque identique à la flèche jaune de chez In-N-Out Burger. Selon TMZ, la chaîne basée à Irvine en Californie a reçu l'alerte de la part de clients déçus qui pensaient qu'un nouveau restaurant était ouvert donc dans le Kansas, mais non, c'était seulement un nettoyeur. Hein? On imagine qu'après la poursuite, le nettoyeur va probablement perdre. On ne sait pas encore. On va suivre le dossier si jamais il y a du nouveau là-dedans. Ensuite, on a un restaurant de burgers japonais qui vend des burgers avec de la viande à la place du pain, mais c'est pas génial. Ça ressemble un petit peu au coup double de chez PFK il y a quelques années. Je sais pas, c'est pas revenu ça? Ça a pas pogné? Bizarre quand même, hein? Donc, on imite un petit peu PFK et son Double Down, son coup double, comme on l'appelait en français. C'est une chaîne, un restaurant, pardon, pas une chaîne, basée à Tokyo. C'est le Shake Tree qui vend le Wild Out, qui est un burger avec des boulettes à hamburger pour le pain, à la place du pain. Donc, le burger démarre à $12 américain, oui, et peut être personnalisé avec plus de viande encore, du fromage, des œufs, de la sauce, des condiments, etc. Donc, c'est une grosse pile, une grosse montagne de viande. Miam, ça a l'air vraiment délicieux. Allez voir les photos qui me mettent l'eau à la bouche. L'eau à la bouche. C'est comme un mélange entre bourse et bouche. Ensuite, on va chez 7-Eleven qui nous amène son double cheeseburger. Bon, il n'y a rien de nouveau là-dedans, mais aussi son brookie. Donc, 7-Eleven et son brookie. Qu'est-ce que c'est que le brookie? C'est comme un mélange entre un brownie et un cookie, un biscuit. Tout ce qui est le plus simple, là, c'est un hybride. Ça coûte 1,30$ chez 7-Eleven. Les dépanneurs, il y en a dans les États-Unis pas mal. Si vous faites un petit road trip là-bas, là, allez vous chercher un brookie pour 1,29$ américain. Ensuite, Miami ouvre le premier musée du burger aux États-Unis. Nouvelle destination, Miami pour les obsédés du hamburger. Donc, c'est un blogueur de burger, un brulogueur, qui ouvre son musée dédié donc au sandwich viandeux. Hein. Le Burger Museum par Burger Beast est créé et est sélectionné de toutes pièces par l'expert en burger local, Seth Gonzalez, aussi connu sous le nom de Burger Beast. C'est ouvert depuis décembre et ça célèbre l'historique des burgers avec une bonne dose de nostalgie. On dit 2000 artefacts. Est-ce que c'est artefacts hein, qu'on dit en français, je crois? Donc, plein de trucs qui ont rapport avec les burgers et le fast-food un petit peu partout au pays, collectionné par Gonzalez depuis les 7 dernières années. Le cinéma, il y a un petit cinéma dans le musée qui montre Hamburger America, qui est un documentaire qui nous parle de 8 burgers créés aux États-Unis ainsi que leurs créateurs. On peut aussi acheter des sodas, donc de la liqueur old school et des bonbons. Mais on ne peut pas manger d'hamburger en tant que tel. Il n'y a pas d'hamburger à vendre dans le musée. Quelle opportunité ratée. Un musée de 1500 pieds carrés situé près de l'aéroport Miami International Airport au Magic City Casino. Donc bon, il y a sûrement des restaurants d'hamburger à côté. Hein. Ça va être ouvert les après-midi du jeudi au dimanche à Miami en Floride. Ensuite, un pain hamburger qui explose de fromage quand tu le coupes ou que tu le manges, que tu le mords. Donc, c'est une vidéo fabriquée de toutes pièces par un restaurant qui s'appelle Raw Material NYC. Le pain explose de fromage, littéralement. Ça a l'air amusant de manger ça, mais peut-être pas avec des nouveaux vêtements, tu sais. Ça a l'air amusant quand même, donc allez voir ça. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais un pain qui explose de fromage, n'importe quoi qui explose de fromage, ça a l'air délicieux pour moi, hein. Ensuite, un petit mélange d'instructions d'assemblage qu'on a fait tout à l'heure en vous montrant un petit peu dans un article comment faire du bacon croustillant à plat, très très plat, du bacon plat pour vos sandwichs et vos hamburgers. Donc si vous voulez vous faire un BLT, peu importe, vous allez avoir besoin de beaucoup de bacon, mais on veut pas du bacon mou, on veut pas du bacon mâchouillant qui va sortir du sandwich aussi, que tu vas prendre une bouchée parce que ça c'est pas assez croustillant. On n'aime pas ça, on veut du bacon plat et croustillant. C'est J. Kenji Lopez, halt, chez Serious Eats, qui nous recommande de faire son bacon avec deux planches à cuisson, deux planches de pâtissier, une en bas et une en haut. Donc tu vas prendre le bas, tu vas mettre un papier à cuisson. Est-ce que c'est un papier parchemin? Est-ce que c'est... Je ne suis pas un grand connaisseur de cuisine. Baking sheet. Donc on va baking sheet, c'est la plaque en tant que tel. On va mettre du... Ouais, je viens de comprendre en lisant. Ok. Donc c'est la planche, la plaque de cuisson. On va mettre du papier d'aluminium dessus. On va mettre une feuille de papier parchemin par-dessus ça. Ensuite, on va placer les tranches de bacon sur le papier et éviter qu'elles se chevauchent. On va ajouter une autre feuille de papier parchemin sur le bacon et on va placer la deuxième plaque de biscuit par-dessus. On comprend, donc ça fait plaque, aluminium, parchemin, bacon, parchemin, plaque. Steak, blé d'Inde, patate. On met ça au four à 425 degrés Fahrenheit pendant 25 à 30 minutes. Votre bacon va être super plat, super croustillant et va être prêt à être placé sur un sandwich ou un burger après avoir, pour certains, passé un petit coup de papier essuie-tout dessus. Hein? Ou moi, juste en flacotant dans les airs puis en essayant d'enlever le gros du gras. C'est du bacon, bâtard. On mange pas du bacon pour être en santé. Hein? Vous pouvez aussi trouver l'article pour faire... Un tressage de bacon dans l'article. Si on a déjà parlé de ça, comment tresser du bacon, on n'y reviendra pas, mais c'est dans l'article. Ensuite, on a Red Robin aux États-Unis qui nous amène une bière à saveur de burger teriyaki ananas. C'est ça, hein? Pineapple teriyaki burger flavored beer. Donc oui, c'est la bière, c'est de la bière. Wow, si vous n'avez pas le temps de vous asseoir pour un repas au complet, c'est un nouveau petit quelque chose de délicieux chez Red Robin qui concentre le goût de leur burger signature en une pinte de bière. C'est le Grilled Pineapple Golden Ale. Je vais la mettre au féminin, c'est de la bière. Donc, il ressemble à un breuvage tout à fait normal, mais la saveur ne l'est pas. Là. On a de la cassonade, infusion de cassonade, de gingembre, d'ananas et de malt pour donner une qualité bœuf et umami. Umami qui est un mot qu'on utilise souvent et qu'à chaque fois je dois chercher la définition parce que c'est vraiment difficile à décrire umami. C'est une catégorie de nourriture, donc c'est pas sucré, c'est pas surette, c'est pas salé, c'est pas âcre, mais ça correspond à la saveur des... on va le traduire celui-là aussi, je pense, hein? Du glutamate. En français, c'est du... Ben, Colin, j'aurais pas dû me casser la tête. C'est du glutamate monosodique. Donc, c'est le goût qu'a le glutamate monosodique. Bon. Donc, la bière est sortie depuis le mois d'octobre passé à Denver, au Great American Beer Festival. C'est une collaboration entre la chaîne de burger et la compagnie de bière New Belgium Brewing Company. Le profil de saveur est inspiré du Banzai Burger de chez Red Robin. Donc, un article du menu qui a des ananas grillés et de la sauce teriyaki. Ça a l'air délicieux. D'autres burgers ont été considérés, mais aucun ne se comparait au style unique du Banzai Burger. Oh boy, ça a l'air tellement bon. La photo est vraiment tentante, je dois vous dire. Le bloc au complet de burger est pas mal tentant pour moi. Ensuite, on va apprendre un petit peu comment sont faites les publicités de burger. Tu sais, là, à la télé, là, le burger a l'air tout le temps parfait. Là. On prend les articles du menu, on les met sous la lumière parfaite, stylisé parfaitement, préparé parfaitement. On est capable de faire quelque chose de miraculeux, même sans graphisme par ordinateur. Ce qui est surprenant, en fait, qu'encore aujourd'hui, en tout cas, que je sache, les graphiques par ordinateur ne sont pas utilisés pour faire des meilleurs burgers. Ça me surprend. Donc, le photographe Steve, Geralt, révèle son processus créatif très détaillé dans une vidéo derrière le rideau trouvée par Design Taxi. Donc, c'est pour un shooting qu'il a fait pour les ingrédients d'un hamburger qui volait dans les airs et atterrissait exactement parfaitement pour faire un burger parfaitement composé. Donc, on voit les ingrédients arriver comme dans les airs. Shwing, shwing, shwing, shwing, shwing. Et là, ça s'empile pour faire un burger. Hein? Mes effets sonores vous montrent vraiment l'image, je pense. Hein? Donc, pour créer ça, ce burger déconstruit, Geralt a imprimé en 3D une catapulte. Oui, oui, avec une imprimante 3D, une catapulte pour lancer la ketchup. Hein? Le ketchup et la moutarde ensemble devant la caméra. Les ingrédients du hamburger ont été arrangés sur un espèce de gadget qu'il a créé pour tenir le pain, le fromage, les oignons et la laitue à une certaine distance l'une de l'autre. Lorsque les deux bras de son gadget venaient ensemble, des élastiques qui tenaient les ingrédients étaient lâchés, ce qui envoyait la chose, comme le pain et le burger, à la bonne distance pour l'envoyer par-dessus. Et en seulement, attention, 4 prises, tous les ingrédients ont réussi à atterrir parfaitement un sur l'autre pour former un burger parfaitement composé par un chef. Incroyable comment l'ingénierie a créé un burger de ce genre. Allez voir la vidéo de la publicité, c'est extraordinaire. Sur assemblagerequis.com, je suis impressionné. Ensuite, on va en Nouvelle-Zélande, où Burger King encourage les amateurs de viande à manger encore plus de viande avec leur burger poulet, bœuf et bacon. C'est le Meatitarian Range, donc un jeu de mots sur végétarien, mais Meatitarian, en tout cas, le nom n'est pas nécessairement son qualificatif, son meilleur point. Donc, c'est chez Burger King qu'on offre donc une série de burgers remplis de bacon, de bœuf et de poulet en Nouvelle-Zélande. Leur principal, celui qui se fait remarquer le plus, c'est le Full Meaty. avec deux boulettes de bœuf grillées, bien sûr, sur le grill. Une galette. Je pense que quand c'est pas du bœuf, c'est du poulet, on dit une galette, non pas une boulette, je comprends pas la différence. Non. Donc, une galette de poulet. 6 tranches de bacon. 2 tranches de fromage jaune, sauce barbecue, mayonnaise et oignon, tout ça sur un bon beau pain hamburger avec des petites graines de sésame, dessus. Donc, si vous voulez pas prendre le full meaty, hein, qui est la version complète, il y a aussi le half meaty, à moitié viandeux, qui a les mêmes ingrédients sauf la galette, la boulette de bœuf et une tranche de fromage de moins. Mais t'as pas de bœuf, l'important dans ce burger-là, c'est d'avoir le poulet et le bœuf ensemble, non? Je comprends pas, mais bon. Je m'excuse, je me reprends. La phrase était mal construite un peu. Moins une boulette de bœuf et moins une tranche. Donc, il en reste une. Parce qu'il y en avait deux au départ. Bref, tout ça est aussi accompagné du Chicken Bacon Meaty, qui est comme le Full Meaty, mais avec une deuxième galette de poulet à la place du bœuf. Compliqué, le Meatitarian Range, donc seulement disponible pour un temps limité. C'est en Nouvelle-Zélande, fait qu'on s'en fout, c'est peut-être même déjà terminé, mais qu'est-ce que ça change? L'idée de cette chronique-là n'est pas nécessairement d'acheter les produits, mais aussi de vous les faire à la maison. Aha! Ensuite, on va au Japon avec le With Everything Burger. Vous savez comment les Japonais parlent très bien anglais. Donc, le burger avec tout inclus, avec tout dedans, le With Everything Burger. C'est comme un genre de plein goût, si on veut. Ça coûte 12$. C'est la chaîne de fast-food japonaise Lotteria qui ramène une vieille chose qui était sur leur menu dans le temps, mais qui revient. Donc, le With Everything Burger. Ça commence avec un pain, bien sûr. Mais c'est pas la chose la plus importante. Ça vient ensuite avec cheeseburger, côte levée, une galette de côte levée, une galette de bœuf, une galette de crevettes frites, laitue, chou, ketchup, sauce teriyaki et quelques autres ingrédients là, pour accompagner. Et ensuite, on a l'autre moitié du pain, bien sûr. Il y a des images sur Twitter, entre autres, que vous pouvez aller voir. Ça coûte 12,30 US. Ça va défaire complètement votre gym de la semaine, c'est clair. Ça existe depuis le mois d'avril. Il faut se prévoir quelques jours pour s'en remettre après parce qu'il y a vraiment tout. Dit-il dans ce burger. C'est rien, il n'y a rien. Il n'y a rien là, sérieux. C'est même pas un des pires burgers que j'ai vu. Ensuite, est-ce que vous voudriez un burger de food truck? Je pense que n'importe qui dirait pas mal oui à ça. Un burger dans un food truck, c'est toujours génial, la cuisine de food truck. Mais dans ce cas-ci, il va falloir se mettre à courir un petit peu parce que ça s'appelle le Moving Food Truck. Donc, les food trucks sont rendus pas mal minceux à bien des endroits dans le monde. Souvent, pendant l'heure du dîner, les gens se dépêchent, ça fait la file. Donc, le Moving Food Truck au Portugal fait les choses différemment. Selon Runner's World, le food truck demande aux gens de jogger à côté comme paiement pour leur repas. Hein? Donc, le restaurant mobile est une collaboration avec le groupe anti-obésité Asociación de Duantes Obesos et Ex-Obesos. L'association des gens obèses et ex-obèses. Et l'agence créative Foot Cone and Belding, Portugal. C'est ça. Donc, le Portugal a un haut taux d'obésité, le plus élevé en Europe. Et leur campagne durait une journée. C'était fait pour éduquer le public sur ce que ça prend pour brûler un repas à haute calorie. Donc c'est ça, c'est terminé. Pour commander un burger, on devait marcher 5,4 km ou courir 4,2 km. Le ketchup coûtait 500 mètres de plus. Donc les gens qui faisaient l'exercice en échange de nourriture, ils n'ont pas eu de problème à attirer des clients du tout. La journée de leur ouverture, leur seule journée, ils ont vendu 20 cheeseburgers, 32 points de pizza et 50 verres de liqueur. Leur revenu était donc de 22 934 calories brûlées. Hein? Le food truck n'a pas duré longtemps, là. C'était une version ambulante. Et vous pouvez regarder une petite vidéo de gens en train de marcher et de courir pour avoir leur burger sur assemblagerequis.com. Ensuite, un voleur de hamburger qui est arrivé chez Five Guys, c'est un restaurant, voilà, et qui s'est fait lui-même, il s'est grillé un hamburger. Il est entré par infraction, il s'est fait griller un hamburger. C'est parfait. Donc, la chaîne de Burger Five Guys, une chaîne régionale. Donc, ils ont trouvé, je pense, leur client le plus loyal au monde. La police de Washington, D.C. dit avoir sorti donc une vidéo d'un vrai hamburger, là, comme le personnage de chez McDonald's, qui entrait chez Five Guys, un restaurant d'hamburger. Il s'est versé une boisson en fontaine. Il s'est fait griller deux burgers dans la cuisine où il n'y avait pas beaucoup de lumière. Donc, c'était assez sombre. Le gars a même répondu au téléphone. Et là, ben, il cherche ce Burger Meister. On sait pas trop ce qui va arriver avec ça, mais on dit qu'il y a une récompense de 1000$ pour retrouver cet homme-là qui s'est fait un repas après les heures de fermeture. On dit que ça a eu lieu entre 3h et 5h du matin le 18 mars dernier. Le restaurant Fast Casual est situé au 1400 Irving Street dans le nord-ouest de Washington, D.C. Voilà. Quelque chose comme ça. On dit d'ailleurs que ce restaurant-là est quand même recommandé. Hein. Au début de sa présidence, Barack Obama a créé une sensation en mangeant chez Five Guys et c'est devenu un plaisir coupable de bien des gens. Five Guys. Miam. Ensuite, la mascotte de Burger King connaît le langage des signes. Apparemment, ben peut-être pas tous les... j'imagine que plusieurs personnes doivent... Faut faire attention avec les mascottes. Hein. Faut parler d'elles comme s'ils étaient de vraies personnes. Hein. Donc, le Burger King peut parler le langage des signes. Voilà, c'est dit. Depuis tout ce temps, on ne savait pas, mais c'est le cas apparemment, qui connaît le langage des signes américain, l'American Sign Language. C'est juste qu'il l'avait jamais montré avant. Hein. C'était la journée nationale de l'ASL à un moment donné plus tôt cette année et le roi avait un signe pour le Whopper prêt pour l'occasion. Donc pour annoncer ses efforts, la chaîne de fast-food a sorti une petite vidéo silencieuse mettant en vedette la transformation d'un Burger King, le restaurant normal, avec toutes les pancartes, incluant la pancarte Burger King à l'avant du restaurant, refaite mais avec l'alphabet ASL. Donc les formes de mains à la place d'avoir des pancartes avec du texte. cool, hein? Allez voir sur assemblagerequis.com. Et on nous dit, en fait, que c'est pas exactement comme ça que les utilisateurs de l'ASL signent leurs mots. Normalement, ils utilisent des lettres de notre langage, comme tout le monde. Les gens dans la publicité comprennent le message lorsqu'ils voient les pancartes, parce que ça décrit lettre par lettre. C'est comme si, à la place de parler comme ça, je disais J-E-P-A-R-L-E-C-O-M-M-E-C-C-Z-A. C'est pas la même chose. Donc, hashtag Whopper Sign. Pour passer le message, si ça vous intéresse d'aller voir ça. Ça date quand même un petit peu, mais bon, ça reste intéressant. Je vous l'avais dit que c'est des vieilles affaires que je mentionnais aujourd'hui. C'est pour ça que c'est une thématique. Ensuite, on retourne au Japon où on rajoute des chips, des croustilles dans le burger. Oui, on rajoute pas de chips comme dans le mauvais film là, qu'il y a eu avec les policiers. C'est comme une version améliorée du Thick Burger. Donc, c'est chez Lotteria. Le Teria qui fabrique plusieurs burgers assez intéressants. Dans ce cas-ci, ils offrent donc deux styles de burgers aux croustilles. Le Zippin' Cheese Potato Chip Burger et le Salad Chicken Potato Chip Burger. Les deux sont remplis de croustilles d'un fabricant de croustilles japonais qui s'appelle Calbee. Et de la sauce spéciale, les deux étaient en vente au Japon. Le burger normal au fromage à 3,40$ et celui au poulet à 3,15$. Les burgers ont l'air vraiment bons. Moi, pour vrai, rajouter des croustilles, c'est quelque chose que j'ai fait quand j'étais dans la jeune vingtaine. Rajouter des croustilles, il y a pas mal tout. Et je vous dirais que c'est pas mal toujours bon. Donc, essayez-le. Juste pour le fun. Dans votre burger, ça rajoute un croustillant salé. Là, j'aime vraiment ça. Ensuite, on retourne chez Burger King avec un franchisé qui a forcé les employés à donner des coupons rabais à des sites de concentration. Tu sais, les camps de concentration allemands. Hein? Donc la publicité, on sait, est toujours omniprésente dans notre air, mais peut-être qu'un camp de concentration devrait être un endroit sans publicité. Hein. Selon le Miami Herald, franchisé de chez Burger King en Allemagne, était en cours récemment pour expliquer pourquoi il avait insisté à ce que ses employés distribuent des coupons et des dépliants, et des pamphlets, ou peu importe comment vous appelez ça en français, je sais qu'il y a un mot qui se dit pas, mais c'est pas grave, dans le stationnement des visiteurs du camp de concentration Dachau, près de Munich. Un directeur du site dit à The Local que le musée a demandé au propriétaire de la franchise d'arrêter de mettre des dépliants comme ça sur les voitures des visiteurs qui passent du temps à ce camp de concentration-là. Ils l'ont fait plusieurs fois et ça n'a pas fonctionné. Dr. Gabriel Hammerman dit que c'est un manque de respect, bien sûr. On rend hommage aux gens là-bas, donc peut-être que la publicité n'est pas... c'était pas l'endroit pour ça. Et on dit que la goutte qui a fait déborder le vase était en février, où des employés du restaurant de fast-food donnaient des coupons lors d'une journée très occupée sur le site. Il y avait une porte avec la phrase... je connaissais pas cette phrase-là, mais « Work will set you free », le travail vous libérera. Ça venait juste de revenir sur le site après avoir été volé en 2014, donc il y avait beaucoup de gens pour être témoins de ça, et c'est là qu'on a passé les dépliants. J'imagine qu'ils ont timé leur affaire pour avoir le plus de gens possible à qui donner les dépliants, mais bon. On a parlé à... ben, pas on, mais le site a parlé à Burger King Allemagne pour demander, pour poser des questions, et la compagnie a dit à The Local qu'ils étaient incapables de persuader le propriétaire de ce restaurant d'arrêter ça. Donc les deux parties sont rencontrées en cours, où le franchisé a dit qu'il regrettait la situation. La phrase au complet continue. Le franchisé a dit qu'il regrettait que la situation s'était rendue jusqu'en cours. C'est pas la même chose que je regrette la situation, n'est-ce pas? C'est pas la première fois que la chaîne de fast-food utilise un stationnement d'endroits comme ça qui rend hommage à des personnes mortes, hein? Comme publicité. On dit que dans les années 90, McDonald's a donné des coupons à des visiteurs de ce même camp. Et dans ce cas-là, le propriétaire a arrêté lorsqu'il a été confronté par le musée. Ensuite, on reste chez Burger King, où les clients accusent Burger King d'un faux deal, une fausse offre BOGO. Vous connaissez BOGO dans le langage du marketing, c'est Buy One, Get One. Donc, achetez-en un, vous en aurez un gratuit. Lorsqu'on se fait présenter, d'habitude, un coupon Buy One, Get One, on s'attend, lorsqu'on présente ça, on s'attend à avoir à payer le prix d'un burger et d'en avoir un deuxième gratuitement, peut-être le moins cher des deux, quelque chose comme ça. On est raisonnable quand même. Mais un client de Burger King dit que la chaîne de fast-food a augmenté le prix du premier sandwich pour ne pas vraiment en avoir un deuxième gratuitement. Donc c'est une poursuite, une class action lawsuit. J'imagine que ça a un mot en français, ça. Une class action lawsuit en français. Ben Colin, c'est pas mal une class action lawsuit selon un recours collectif. Bleh! Je me suis fait prendre par Google. Google me disait que c'était la même chose, mais selon Internet, c'est un recours collectif. Donc, on dit que ça a eu lieu récemment dans le Maryland. Le client ou la cliente dit que Burger King mentait à son public dans une publicité nationale Buy One, Get One pour son croissant sandwich, un sandwich fait d'un croissant. Donc, selon la poursuite, lorsqu'on offrait le coupon qui permettait à une personne d'avoir donc un croissant sandwich gratuit, oui, à l'achat d'un autre à prix régulier, Burger King augmentait le prix du premier sandwich. Ils étaient forcés à payer un prix plus gros pour recevoir leur deuxième gratuit. Ça tourne vraiment en rond, l'article. Hein. Donc, c'est une femme du Maryland qui a démarré ce recours collectif, dit avoir été victime de cette pratique dans plusieurs restaurants du Maryland, de la Virginie et du district de Columbia. Un exemple, en mars 2007, la femme dit qu'elle... Pour vrai, les recours collectifs, des fois, la femme dit qu'elle a dû payer 1$ et 3 de plus pour son croissant sandwich lorsqu'elle a offert le coupon Buy One, Get One versus le même sandwich sans coupon. Elle a même les preuves. Les reçus sont en photo sur assemblagerequis.com. En fait, un reçu pour la transaction montre que le sandwich a été acheté avec le coupon et a coûté 3,19$. Quelques minutes plus tard, elle est retournée au magasin et a acheté un autre croissant sandwich sans le coupon. Et cette fois-ci, elle a payé seulement 2,16$ pour son repas. Hein? Mais tu sais, des fois, il y a des principes puis tu gardes tes principes puis tu poursuis Burger King. J'avoue que c'est vraiment pas une bonne pratique parce que si tu le fais plusieurs fois, si plusieurs clients font ça, ils vont Burger King faire des tonnes d'argent. Donc en tant que tel, je suis d'accord avec la poursuite. Mais bon. Des fois. Ensuite, si vous vivez en Australie, premièrement, merci de nous écouter, hein, via l'application TuneIn Radio. Hein, vous pouvez vous construire, en fait, vous faire donner un Big Mac au poulet sans avoir à l'assembler soi-même si on vit en Australie. Vous connaissez peut-être le Big Mac Chicken, il y en a plusieurs qui appellent ça comme ça. Ils se commandent un Big Mac et ils font mettre des galettes de poulet dedans, poulet croustillant. On est capable de le faire, de faire un mash-up en commandant les deux sandwichs et en les empilant ensemble, mais en Australie, on n'aura plus besoin de payer pour deux sandwichs. Pareil comme chez Burger King, on va payer moins cher dans ce cas-ci. Donc c'est News Corp Australia qui nous dit que les restaurants locaux de McDonald's ont commencé à officiellement mettre le Chicken Big Mac sur leur menu. En tout cas, c'était pour une période limitée au moins. Le sandwich vient avec tout ce qu'on voudrait avoir dans un Big Mac, donc trois morceaux de pain, sauce spéciale, laitue, cornichons et oignons, mais avec des galettes de poulet à la place des galettes de bœuf. Tout ce qu'il y a de plus simple, et c'est en Australie, et c'est bien populaire. Les gens capotent. C'est pas seulement en Australie, c'est aussi au Qatar, en Égypte, aux Émirats Arabes Unis, aux Pays-Bas. On peut trouver ça aussi sur le menu. Donc voilà. Sinon, faites-le vous-même. Payez un petit peu plus cher, puis en même temps, vous allez avoir des galettes de bœuf et de poulet. Fait que c'est encore meilleur, comme le burger dont on a parlé tantôt. Miam, miam, miam, miam. Aussi en Australie, c'est eux qui ont les cheeseburger shaker fries. C'est des frites accompagnées d'un petit paquet d'assaisonnement à cheeseburger. Et donc, c'est limite le goût du cheeseburger, mais dans tes frites, il y a comme un mélange de bœuf, oignon, cornichon, ketchup, moutarde et fromage. J'imagine en poudre? Je sais pas si c'est en poudre, je pense que oui. Tu brasses tes frites avec ça, et ça donne des frites qui goûtent le cheeseburger. Ah, miam, miam, miam, miam, miam. On va continuer, tant qu'à... Est-ce que je dois faire un autre bloc? Est-ce que je suis en retard? Je me rappelle plus si je suis en retard de mes pubs. Quand j'ai pas de co-animatrice, je ne sais plus où je m'en vais. On va continuer, vu qu'on a commencé. Hein? Donc, Carl's Jr. qui offre... Tu sais, tantôt, j'ai dit que j'allais pas manger des nouvelles faciles comme la poutine chez Tim Hortons. On parlera pas de ça ici. On est plus original que ça. On va chez Carl's Jr. aux États-Unis qui offre un burger à la poutine. Et je peux vous dire, exclusivement, pas du tout, qu'on a ça aussi à Trois-Rivières. Je suis allé chez Harvey's il y a quelques semaines et ils offrent en ce moment même un burger avec de la poutine à l'intérieur avec donc galette de bœuf, Angus, de la poutine, donc les frites, le fromage et la sauce, et c'est servi dans un bol à poutine, les gros bols cylindriques. C'est super bon, mais donc je vais reprendre ma nouvelle pour une troisième fois. Chez Carl's Jr., on offre donc un burger avec une côte levée. C'est offert aux États-Unis, au Canada. Non, ça c'est aux États-Unis. Ok. L'article est vraiment mal écrit, je m'excuse, ça fait deux fois que ça arrive. Donc, aux États-Unis, ils ont leur burger avec la côte levée, ce qui ne change absolument rien, donc il n'est pas nécessaire à mentionner. Mais au Canada, on essaie de faire mieux avec un burger à la poutine. Donc, le Poutine Thick Burger, c'est donc une galette de bœuf Black Angus. Ensuite, c'est des frites qui sont assaisonnées. On a des bouts de crotte de fromage, on a de la sauce à poutine, du bacon au poivre et des croustilles, des chips par-dessus. C'est malade. Est-ce que ça fait les chips? En tout cas, à mon expérience, pour vrai, pour faire une petite critique, là, c'est pas le genre de choses que je fais très très souvent, là, une critique de fast-food, mais j'ai goûté évidemment à celui chez Harvey's et j'ai été un petit peu déçu pas déçu du goût, parce que j'aime beaucoup, beaucoup le goût, mais c'est plutôt le fait que ça se détrempe. La sauce à poutine vient s'intégrer dans les frites et dans le pain, et c'est, je trouve, impossible de manger la burger avec tes deux mains. J'ai pas réussi. J'ai commencé, même la première bouchée, d'habitude, quand le burger se tient bien, ça se tient pas. J'ai dû le manger avec couteau et fourchette, mais la bonne chose, c'est qu'il t'offre un couteau et une fourchette. Il te le donne par défaut, t'as pas besoin de le demander. Donc j'imagine que c'est fait pour être mangé comme ça, et le fait que c'est dans un bol est peut-être aussi comme ça. Peut-être que t'es supposé manger le pain en premier, la poutine après, et la boulette après, je sais pas. Peut-être mettre le pain de côté, manger la poutine, remettre le pain dessus. Je sais pas s'il y a une formule pour ça, mais c'est pas avec les deux mains, j'en suis pas mal certain. Donc on revient sur notre poutine Thick Burger chez Carl's Jr. Ils servent de la poutine apparemment là-bas, avec le choix de frites régulières ou de frites ondulées. Chris Scott? Est-ce que Chris Scott veut dire ondulé? Je crois que oui. C'est ce qui vient dans le burger en tant que tel. Et étant donné que la poutine ne fonctionne pas vraiment beaucoup aux États-Unis, on va peut-être pas voir ça arriver aux États-Unis, mais on l'a au Canada au moins pour l'instant. Donc chez Carl's Jr., premièrement, moi je savais même pas que Carl's Jr. existait au Canada. Donc j'apprends des choses en même temps que vous. Ensuite, on a une, entre guillemets, vraie personne qui a essayé de voler le sandwich au poulet de chez Burger King. C'est une campagne publicitaire. À une publicité qui s'appelle avec quelqu'un qui s'appelle Mac, M-A-H-K, donc il répond à une publicité. Non, attends, je vais l'écouter, je pense que ça va être plus simple, parce que celui-là, je le trouve vraiment compliqué à dire. On va écouter ça. Donc c'est une annonce pour Burger King. On voit le roi de Burger King qui... My God, you smell like a Whopper. Mon Dieu, mais tu sens comme un Whopper, dit le gars qui a un bandeau autour This de ses yeux. Like là, on voit son tweet. Donc, il disait, j'ai pas eu le temps de le lire, là, ça s'est passé très, très rapidement. Donc, il dit qu'il a, sur Twitter, il dit, j'ai mordu dans un Burger King chicken sandwich. Ça goûtait comme un kiss frit dans la friteuse. Ah ouais, le roi, tu peux faire mieux que ça. Ou genre, viens me trouver, viens me chercher, le roi. Donc, on dit que c'est une vraie personne, c'est probablement arrangé, mais c'est pas grave. Donc, le roi est venu chercher la personne. Il dit, ceci est définitivement un Burger King. Ça sent le Whopper. Soit ça ou quoi? Une cafétéria, c'est ça qu'il a dit? Ou un crématorium. Ouais, quand même. Donc, il mord dans le hamburger. Pourquoi est-ce que le pain est mouillé? Ah, mais c'est une très bonne saveur. Ah, OK. Je comprends la parodie. Donc, ça, c'est une parodie un peu comme les publicités de voitures, de camions, là, où ils prennent de vraies personnes, pas des acteurs, puis qu'à la fin, ils leur révèlent un camion. Donc, c'est une parodie. On prend la publicité où le monsieur Mac, ou peu importe comment il s'appelle, a vraiment écrit sur Twitter ce commentaire-là. Le Burger King va le chercher pour lui faire goûter le hamburger. Et ensuite, tu as la parodie du gars en arrière qui vient dire « Pourquoi j'ai le pain mouillé? C'est supposé être quoi? Est-ce que c'est du journal? » Fait que c'est pas super drôle, hein, finalement. Tu sais, il y a des affaires comme ça que tu dis comme « Ah, ben ça avait l'air d'une bonne idée au départ! » Mais finalement, c'est pas si drôle. Voilà, je suis vraiment venu pour une pause là-dessus. On revient dans quelques instants avec la conclusion de l'émission et un petit peu de musique pour compléter notre 3 heures. Vous êtes à Assemblage Requis pour encore 15 minutes. Restez là. Plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage de qui? Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage de qui? Toujours à Assemblage Requis. Il nous reste une dizaine de minutes avant la fin de l'émission. On a le temps pour peut-être un dernier petit segment de quelque chose avant d'arriver au bout de mon rouleau complètement. Pas de contenu, mais d'énergie. Avant ça, par contre, une petite pièce musicale, une chanson que j'aime beaucoup. Je la fais jouer quand même fréquemment. C'est High Ticket Attraction. Voici The New Pornographers tout de suite à Assemblage Requis sur C'est Fou. 89.1 FM. Nous, on dit encore le FM contrairement à d'autres radios. Imagine all the factions. options. High on the spirit, hopped up and listed. After the flame, baptism, your feelings. You know the science of falling. New Pornographers avec High Ticket Attraction, assemblage requis. Il nous reste seulement quelques petites minutes, 5 minutes environ, mais j'ai pas envie de faire un bloc où il y aurait pas de contenu du tout, là, c'est pas mon genre. Donc on va continuer avec quelques petites nouvelles en bref, dans une grosse pointe en adresse. On va faire un petit spécial Spotted. En fait, je garde un spécial Spotted pour la... Pour peut-être la semaine prochaine, en tout cas une prochaine émission. Je vais en faire une petite groupée, tiens. Commençons. C'est juste des spotted, donc des trucs en bref, pas de contenu vraiment, juste de l'image à vous mettre dans la tête. Pour commencer, aux États-Unis, édition limitée Coco Puffs Ice Cream Scoop Cereal. Donc des Coco Puffs à saveur de crème glacée, fraise, vanille, chocolat, disponible aux États-Unis. Ça a l'air malade. Ensuite, un autre spotted, qu'est-ce qu'on a choisi là-dedans? Évidemment, il y en a qui sont super. Ah, c'est French's sort, encore une fois aux États-Unis, des emballages on the go de leur moutarde et ketchup. Donc, tu peux t'acheter un peu comme dans un restaurant, des petits sachets de ketchup. Donc, tu peux acheter ça en boîte pour vraiment pas cher, 30 pour 2$ américains. French's on the go, classic yellow, mustard et tomato ketchup. Ensuite, toujours aux États-Unis, chez Wrigley's, on sort Juicy Fruit America Pop Flavor Gum, donc de la gomme à saveur de petits, tu sais, les popsicles bleu, blanc, rouge. Donc, typiquement américaine. C'était pour le 4 juillet passé, en emballage de 3. Toujours chez. Toujours dans les Spotted, toujours aux États-Unis, en fait. On a du café à saveur de biscuits Graham pour les Keurig. Ça a l'air extraordinaire. On a aussi le sirop, pareil comme chez Starbucks. Tu sais, tu peux demander un sirop à la vanille, un sirop à la noisette, et t'as aussi vanille sans sucre. Donc, tu peux maintenant acheter ce sirop-là pour faire tes propres cafés Starbucks à la maison aux États-Unis. Pourquoi pas? Je regarde rapidement s'il y en a d'autres en dessous. Je crois que non. Ensuite, allons-y avec Jell-O. Jell-O. Bon, t'as dit qu'ils sont pas placés dans l'ordre des affaires. Hein. Ah oui. Est-ce que c'était ça? Ah oui, c'est ça. Okay. Parce que des fois, il y a des pages où il y a comme 1000 spots dessus, puis j'ai oublié de marquer où c'était. Crush, aux États-Unis, sort le look rétro, des liqueurs crush avec orange et raisin, et du vrai sucre, un peu comme Pepsi rétro a fait, un peu comme Coke a fait, à un moment donné par, je me rappelle plus quand, mais donc on ressort le vieux look très très vintage, et on fait de la liqueur avec du vrai sucre qui goûte bien meilleur que le sirop de maïs qu'on met habituellement. Jolly Rancher Hotties, the Sweet and Spicy Hard Candy. C'est des bonbons durs de Jolly Rancher, vous connaissez Jolly Rancher, mais cette fois-ci, ils sont sucrés et épicés, donc t'as melon d'eau et cayenne, framboise bleue et sriracha, cerise et habanero, et pommes vertes et gingembre. Donc c'est des bonbons pour ceux qui sont qui ont la bouche faite solide pas mal. Jolly Rancher Hotties. J'ai de la misère à manger de la gomme à cannelle, fait que non merci pour ça. On a la Airheads Gum. Vous connaissez les bonbons Airheads peut-être, les petites bandes de fruits, eh ben pas de fruits, mais fruits explosifs radioactifs. Et les petits sprays, des trucs comme ça, il y en a plein. Mais non, là en gomme, donc avec des micro-bonbons à l'intérieur des gommes. Airheads, tu l'as à la cerise, à la framboise bleue et au melon d'eau. Airheads Gum aux États-Unis. Toujours là-bas, Pepsi Fire et 7-Eleven Pepsi Fire sont disponibles en bouteille et en Slurpee, en slush. Donc Pepsi à la cannelle, c'est du cola à saveur de cannelle avec des ingrédients naturels et artificiels. Donc j'imagine qu'on va avoir ça bientôt au Québec aussi. Mais ils l'ont en format slush. Et j'ai découvert, je sais que je suis vraiment en retard là-dessus probablement, mais chez Couche-Tard, ils ont des nouvelles machines à slush avec des saveurs de liqueur. Et j'ai goûté à leur crème soda, c'était fantastique. Imaginez une slush à la crème soda, j'adore. Ensuite, Lay's, toujours aux États-Unis, sort une édition limitée. C'est des croustilles lime et sel de mer. Je me suis dit que c'est un bon petit mélange à avoir. On voit pas ça souvent, lime, sel de mer. Souvent, t'as sel et poivre. T'as pas mal ça, finalement. À la lime, c'est rare. Voilà. Ensuite, les Twizzlers remplis de crème à l'orange et à la lime. Ça a l'air magnifique. Et donc, Twizzlers Field, que ça s'appelle Field Twist, pardon. Donc, c'est des réglisses torsadées à saveur d'orange et crème ou à saveur de lime. Un autre spotted chez Walmart aux États-Unis, on a maintenant Great Value qui offre du thé glacé en splouche, tu sais, les trucs que tu mets dans de l'eau. C'est pour améliorer ton chocolat. Pardon, ça dit améliorer. Oh, thé au chocolat, saveur de thé au chocolat pour améliorer votre boisson. Donc, ça existe. On avait dit aussi qu'il y avait des splouches comme ça pour le café, pour faire. Un petit peu café, vanille française, des trucs comme ça. Donc bon, crime, ça commence à devenir populaire encore plus qu'avant, ces petits squirts-là. Hein? Folgers, qui sort du café au chocolat. Donc c'est du café moulu avec saveur naturelle de chocolat. Ça a l'air bon. Ça s'appelle Folgers Simply Gourmet. Ensuite, toujours des éditions limitées de Oreo, il y en a vraiment souvent. Cette fois-ci, on parle de Mississippi Mud Pie, donc tarte à la crème et au chocolat à l'intérieur d'un Oreo. Donc, t'as un Oreo normal, noir, avec à l'intérieur une crème au chocolat et à la crème fouettée. Ça a l'air délicieux. On continue avec les Strawberry Toast Crunch. Vous connaissez les Cinnamon Toast Crunch, croque cannelle en français, et t'as aussi croque pain doré. Alors maintenant, on a Strawberry Toast Crunch, donc fait avec de vraies fraises. Ça a l'air bon, je sais pas si c'est supposé. Ben, c'est comme des toasts aux fraises. Donc, ça doit goûter un peu comme les. Voyons, croque-pain doré sans l'aspect sirop d'érable, mais avec des fraises, j'imagine. Ensuite, ça, c'est vraiment Tricksters. Donc, c'est comme les Sour Patch Kids, les petits jujubes en forme d'enfant, mais qui sont surettes habituellement. Donc, ici, ils sont Tricksters. Donc, ça ressemble à une saveur, mais ça goûte comme une autre. Mettons que tu prends un bleu, puis ça goûte comme le rouge goûte comme le bleu. Les enfants vont s'amuser pendant des secondes, probablement, avec ça. Sorry, Patch Kids Tricksters. Drôle d'idée, hein? Ensuite, Hershey's Kisses Deluxe Marble Cheesecake. Donc, c'est des petites cloches Kisses de Hershey, mais Deluxe, avec saveur de gâteau fromage marbré. Pourquoi pas? Tant qu'à être luxueux, gâteau fromage marbré, ça a l'air luxueux. Ensuite, une autre édition limitée, c'est Cool Whip, qui nous sort une version au gâteau fromage, tiens. Cool Whip, c'est toujours bon, on peut mettre ça au congélateur puis ça reste comme de la crème fouettée, mais à saveur de citron. Miam. Ensuite, on a des mixeurs en poudre pour vos breuvages, par exemple pour mettre dans du lait. Ça s'appelle The Original Cereal Milk Powder Drink Mixers. Donc, c'est des mélanges qui vont goûter comme un fond de bol de céréales dans votre lait. Donc, c'est de la poudre que vous mettez dans votre lait, vous brassez. Pas besoin de... besoin de cuillère, mais pas besoin de bol. Pas besoin de céréales. T'as le régulier. Non, c'est pas régulier, c'est Frosted Flake, pardon. Donc, ça goûte un petit peu le glaçage. T'as Cinnamon Crunch et t'as Peanut Butter Cup. Donc, ça goûte comme un fond de Reese's... Reese's, les céréales Reese's. En poudre. Yum. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'avais vu dans celui-là? Ça doit pas être ça, ça doit pas être ça, ça doit pas être ça non plus. Est-ce que c'est quelque chose là-dedans? Non, non, non. Est-ce que je vais arriver en bas de la page pour pas trouver c'était lequel? Je pense que oui. Fait que je pense que je vais passer au prochain. Il y avait des Welch's, la compagnie Welch's qui fait du jus de raisin, entre autres du jus de fraise, qui viennent de sortir des fruit rolls. Donc un peu comme les fruits au long, fruit by the foot. Donc, avec des vrais fruits comme premier ingrédient de la part de Welch's. Deux petits derniers pour terminer. Les Cheerios à l'érable, j'avais pas vu passer ça encore. Apparemment, c'est canadien. C'est pour le 150e anniversaire. J'ai pas vu passer ça dans mon allée de céréales. Mais Cheerios, sirop d'érable, fait avec du vrai sirop d'érable. J'en veux maintenant. Et pour terminer, vous connaissez le chocolat Crunch? Eh bien, il y a Bunch Crunch, c'est des friandises, des mélanges collations sucrées-salées, un peu comme on a de la part d'autres compagnies. Là. C'est qui, c'est-tu? O'Henry, Reese's, qui ont sorti des petits emballages de collations. Donc ici, on a des biscuits au briseau de chocolat. On a du chocolat blanc Hershey's Toll House. T'as des arachides et t'as, c'est quoi ça? Bunch of Crunch, donc c'est comme des crunch mais en boule avec des morceaux de riz à l'intérieur. Donc ça a l'air vraiment bon, Bunch of Crunch. J'espère qu'on va voir ça au Canada un jour. Mais ça fait le tour de mes nouvelles en bref. J'en garde pour une autre chronique. Des fois on fait des chroniques spéciales Spotted, donc ce sera pour une autre fois. Mais c'est là-dessus qu'on termine notre émission d'aujourd'hui, qu'on a eu du fun, même si j'étais tout seul à l'animation. C'est regrettable, mais Talia va être de retour seulement avec nous la semaine prochaine. Donc on se retrouve en direct toujours les jeudis entre 14h et 17h. Après nous, c'est la rediffusion de Rock Révélé qui commence dans quelques instants. Il y a du baseball ce soir, jeudi. On est contre les Capitales de... Non, on n'est pas contre les Capitales. Est-ce qu'on est peut-être contre les Capitales de Québec ce soir, à partir de 18h55, je me rappelle pas. Je sais que les Aigles sont de retour à la maison pour la première fois depuis un bon bout. On repasse samedi entre midi et 15h. Après nous, c'est En Piste avec Talia Baudin. On rappelle l'émission de la semaine de cette semaine, en fait, de mercredi. Et on repasse finalement les mercredis entre 11h et 14h. Après nous, une nouvelle édition d'En Piste avec Talia Baudin. Et moi, je serai de retour en direct pour le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, l'émission de Choses Geek. Sif.ca pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balados de diffusion. On se quitte là-dessus et on se dit à la semaine prochaine. Bye bye! We'll be right back.